amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM sur le 107 MHz. Ce soir, eh bien, d'abord une revue de presse, bien sûr, et puis privatisation. Les privatisations sont un vrai pillage par Jean-Luc Mélenchon. Un peu de musique. Le biologiste Joël de Ronay présente ses idées. Arrêt sur image, avocat 2, etc. Ensuite, 1er mai, Castaner incompétent. Intrusion à la selle pétrière par Adrien Quatennens. Il va donner son avis, Adrien Quatennens, sur cette anecdote, cette péripétie qu'on a essayé de monter en épingle. Malheureusement, ça se retourne contre ceux qui avait fait le coup. Monsieur Castaner avait raconté des âneries et il a fallu qu'il le reconnaisse dès le lendemain. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'homme le mieux informé de France, celui qui est chargé de faire régner l'ordre et la sécurité, eh bien, il raconte des bobards. Voilà. Le rallye Dakar en Arabie Saoudite. Eh oui, le rallye de Paris-Dakar qui maintenant pourrait se faire en Arabie Saoudite. Alors, c'est une plaisanterie de Charline Van Ocker. Mais bon, Wolfgang Amadeus Mozart va nous jouer piano concerto numéro 21 de Wolfgang Amadeus Mozart. Combien de Français renoncent à se soigner? Éric Coquerel, j'accuse Christian Castaner de mensonge, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et Charles Girard de la France Insoumise, l'enjeu des élections européennes. Le 1er mai, noir, jaune, rouge, le billet de Charline. Ah oui, on a bien mérité deux billets de Charline, quand même. Hein. Benalla, commission d'enquête. Léo Ferré, ils ont voté. Et puis après. Et puis alors, un rappel de ce qu'ont été les élections européennes depuis le début. Alors voilà, une des premières élections européennes. Alors, étaient sur le plateau Georges Marchais, Jacques Chirac, Simone Veil et François Mitterrand. Voilà, hein, c'est déjà de la vieille histoire, mais vous verrez que les ressemblances avec ce qui se dit maintenant, eh ben, ça crève les yeux, quoi, les oreilles. Hein. Voilà, on nous mène en bateau, on nous raconte des trucs, puis des machins, puis des bidules, on nous prend pour des charlots, quoi. Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est notre invité ce midi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. On va commencer par l'image de la semaine qui nous emmène du côté des États-Unis. Donald Trump, le président américain, revendique une guerre commerciale avec l'Europe sur l'acier et l'aluminium. Est-ce que ça vous inquiète? Ah ouais. Alors d'abord, j'essaye de comprendre. Clairement, le libre-échange a été trop loin. Dans les années 80, c'était 50% positif, 50% négatif. Là, on est à 70% négatif. Et avec les prochains accords, ça va être 100% négatif, surtout sur le plan écologique et social. Vous avez compris, libre-échange, c'est la prime à celui qui paye le moins ses ouvriers et qui salit tout sans payer. Donc alors, vous seriez plus pour plus de protectionnisme? Ah ben, moi, je suis pour le protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Ça, c'est le contraire du protectionnisme que je défends, ce que fait Trump. C'est-à-dire tout d'un coup... Alors, ça va, vous allez voir, c'est pas le dernier. Hein. Quelqu'un dit « Ah ben ça, c'est fini, toc, les droits de douane ici », c'est-à-dire ça déclenche une guerre commerciale que personne ne contrôle. Vous reprenez ce mot de guerre commerciale? Oui, une guerre commerciale, bien sûr. Et absurde, parce que des guerres commerciales aux guerres tout court, ça va vite, hein, l'histoire l'a montré. Par contre, le protectionnisme solidaire, ça veut dire que, oui, on fait du protectionnisme, l'idée c'est de relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser. Écologiquement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais solidaire, c'est-à-dire qu'on discute. C'est pas tout d'un coup l'un décide qu'il bloque tout et qu'il déclenche de la violence. Par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire en Europe en termes de protectionnisme solidaire? Dans quel domaine, par exemple? Eh bien, par exemple, on pourrait mettre des taxes sociales et écologiques sur tous les produits qui rentrent en Europe pour augmenter leurs tarifs. Tous les produits? Eh bien oui. Tous ceux qui sont produits dans des conditions écologiquement insupportables ou socialement inacceptables devraient être taxés de manière à ce que l'Europe puisse être une frontière réelle pour ces marchandises. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de devenir le maître du monde? Je dis ça parce que le président nord-coréen, Kim Jong-un, a dit d'accord pour le rencontrer. On va parler éventuellement de désarmement nucléaire. C'est une bonne chose? Ah oui. Non, mais déjà, oui, c'est une bonne chose. Il vaut mieux parler que la guerre. Alors, de ce point de vue, c'est bien. Et c'est un bon point pour Donald Trump. On va voir, hein, tous ces gens-là sont bien énervés. Et les États-Unis d'Amérique sont une puissance agressive, dominatrice, violente. Vous savez, sur les 229 années de ce pays, il y en a 222 en guerre. Cela dit, la Corée du Nord, c'est pas tellement non plus très tendre. C'est clair que c'est pas un modèle qu'on pourra proposer où que ce soit. Et puis, ils se sont armés avec des armes nucléaires. Et moi, je crois qu'on devrait, nous les Français, prendre des initiatives pour le désarmement nucléaire. D'abord, nous sommes nous-mêmes une puissance nucléaire. Alors évidemment que c'est nous qui désarmerons les derniers. C'est nous qui avons le plus petit stock. Mais il faut entrer. Et le président Xi Jinping de la Chine avait proposé qu'on reprenne les discussions sur le désarmement. Vous voyez, monsieur Le Tellier, ce qui est désolant, c'est que vous voyez qu'il y a un nombre croissant de gens qui se fabriquent des armes nucléaires et personne ne parle de rembobiner le film. Donc, suis pour rembobiner le film. Quelque part, si la rencontre, imaginons, Donald Trump, Kim Jong-un et puis d'autres dirigeants, pourquoi pas, si elle avait lieu à Paris, ça pourrait être une idée? Et pourquoi pas? Parce que c'est nous, les Français, qui sommes les meilleurs interlocuteurs pour la paix. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Mais vous savez, souvent, les gens ne se rendent pas bien compte de ce que c'est que cette affaire de Corée du Nord. Vous savez que la Corée du Nord a une frontière avec la Russie. Les gens ne le savent pas. 17 kilomètres, elle ne fait pas beaucoup, mais elle existe. Elle a une frontière avec la Chine, 1400 kilomètres de frontière. Ça veut dire que ce pays-là, il ne faut pas simplement regarder le visage du président de la Corée du Nord, ou je ne sais pas quel est son titre, hein. Il faut se rendre compte dans quel contexte géopolitique. Et quand on veut défendre la paix, hein, eh ben, il faut prendre des mesures pour qu'on aille à la paix, notamment le désarmement nucléaire. Cette semaine a été marquée aussi par les discussions autour de l'avenir de la SNCF, le plan prison par exemple, la réforme constitutionnelle aussi. Il en pleut, hein. Quelle semaine ? La réforme de la SNCF s'attaque à un tabou, le statut des cheminots. Les cheminots, eux, prennent de plus en plus la parole pour dire qu'ils ne sont pas des privilégiés. On se dit les cheminots sont des feignants, mais non, ils sont là tous les jours de l'année. Même le président de la SNCF se sent obligé de défendre son personnel. En ce moment, on est vraiment dans une période de SNCF bashing et de cheminots bashing, et j'en ai assez. Une pétition contre les 80 km/h, relayée par les élus de tous bords politiques. Je vois dans cette espèce d'annonce une forme de mépris pour les gens que nous sommes. On va mettre encore plus de temps pour aller mettre nos courses, pour aller faire nos courses, encore plus de temps pour aller travailler. Et derrière ça, on nous met une hausse de l'essence, une hausse du diesel. Le Premier ministre va lancer la réforme constitutionnelle qui prévoit, entre autres, la limitation à 3 mandats, une dose proportionnelle ou encore un redécoupage des circonscriptions et la réduction aussi du nombre de parlementaires. Barrages routiers, manifestations et grèves générales. 3 semaines que l'île de Mayotte crie sa colère. Pourquoi la France nous abandonne, nous les Mahorais ? Le 101e département français étouffe sous la pression migratoire. Au début de sa visite en Inde, Emmanuel Macron a multiplié les gestes et les déclarations d'amitié. On retiendra de cette première journée la conclusion de gros accords commerciaux, mais aussi cette leçon de vie donnée par le président français aux étudiants indiens. You have a huge opportunity, which is to transform, not to replicate a lot of past mistakes, but just to invent new way to proceed. So please, just do it. Je voudrais bien dire. Jean-Luc Mélenchon, la SNCF, Guillaume Pepy, vous avez vu, est le premier à dénoncer un cheminot bashing. Ouais. C'est un soutien bienvenu pour les cheminots. Pourquoi pas, mais disons qu'il ne manque pas de souffle, celui-là. Parce que c'est quand même lui qui a déclenché avec le gouvernement toute cette affaire. Commençons d'abord par dire une chose. Je crois que maintenant, les Français ont à peu près compris les données du problème. Tous les médias ont fait pendant des semaines du, en effet, comme on dit, bashing, ça ne veut rien dire. C'est jeter de la boue sur les cheminots pour les maltraiter, les faire passer pour des privilégiés et des planqués. Ça a été vraiment odieux. Je vous demande de tenir compte de ça, monsieur Le Tellier. Vous êtes un homme de médias, mais mettez-vous à la place... On va en parler des médias. Mettez-vous à la place de ces milliers de gens qui, pendant des jours et des jours, se sont entendus traiter de cette manière-là. C'est d'une violence incroyable. Mais surtout, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, il n'y a aucune raison de faire tout ça. Aucune. Sinon que la Commission européenne a décidé de rendre concurrentiel le rail. Rendre concurrentiel le rail, ça veut juste dire que sur le même rail, vous allez faire passer un train privé, un train public, oui, mais, un train privé. Mais il y a un autre sujet aussi, c'est la privatisation éventuelle de la SNCF. Bien sûr que ça Guillaume Pepy, le même, dit, même pas en rêve, le gouvernement dit, il n'y aura pas de privatisation de la SNCF. Ce sont des menteurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a eu GDF, c'était pareil, Gaz de France. Hein, on nous a dit, jamais, ce sera incessible. Il faut dire la vérité, c'était incessible. En effet, ils n'ont jamais cédé. Mais ils ont marié GDF avec Suez, et comme Suez était plus important, plouf, la nouvelle compagnie, elle est essentiellement privée. Et pendant ce temps-là, on nous avait dit, la privatisation va faire baisser les prix. Depuis, ils ont augmenté de 49% pour ce qui est du gaz. Et là, ça va faire pareil. Pourquoi sinon change-t-il le statut ? C'est uniquement pour pouvoir, le moment venu, privatiser. Sinon, il n'y a pas de raison de faire tout ça. Mais alors, à propos de privatisation, le gouvernement annonce d'autres privatisations. Aéroports de Paris, Française des Jeux, c'est le loto, par exemple, ou Engie. Qu'est-ce qui doit rester public ? Est-ce que l'État doit gérer les entreprises ? Alors déjà, ouais, ça, je la connais, celle-là. L'État doit gérer les entreprises ? Bah oui. Elles ne sont pas gérées par l'État. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand il y a une entreprise nationalisée, on y nomme des gens qui sont compétents, on l'espère, hein, et qui font tourner ces entreprises. Ces entreprises rendent un service qui souvent devient un service public, et puis ça rapporte à l'État. Alors déjà, moi j'aimerais bien un jour qu'on fasse ce bilan. Vous ne trouvez pas ça curieux ? Personne n'a jamais fait le bilan des privatisations. Combien ça a rapporté, et combien ensuite les entreprises privées, les actionnaires ont ramassé ? Ça pourrait être le rôle de contrôle des parlementaires, ça. Et c'est exactement ce que nous avons fait, ce que nous avons obtenu pendant la discussion de la loi de finances, un amendement qui a été déposé par mon camarade Coquerel, et qui demandait qu'on fasse le bilan de la privatisation des autoroutes, qui est quand même un des plus gros scandales de privatisation des 10 dernières années. Et nous l'avons obtenu. Donc le gouvernement va nous rendre un rapport. Et le jour où nous gouvernerons ce pays, je vous garantis que nous ferons le bilan sur la totalité des privatisations. Parce que, pardon, je veux le dire, c'est un pillage. Expliquez-moi voir pourquoi on privatise un aéroport. Un aéroport, c'est une frontière. Un aéroport... Il n'y a aucune concurrence possible. Hein. Vous arrivez à Roissy et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas vous poser plus loin. Hein. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est toujours la même chose. On croit, alors vous avez des idéologues qui vous racontent que grâce à ça, tout va mieux marcher, alors que tout marche moins bien. Et puis, deuxièmement, eh ben, ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui le... En attendant, pour la SNCF, il va y avoir des manifestations le 22 mars. Oui. Cette fois, tous les syndicats unis vont descendre dans la rue. Vous les aviez critiqués au moment de la loi travail en disant qu'ils étaient désunis. Est-ce qu'à vos yeux, ce sera une façon de récupérer le point que vous avez donné à Emmanuel Macron à l'automne ? Pour les travailleurs, certainement. Pour les salariés, c'est une occasion, en effet, de reprendre le point, parce qu'ils ont quand même dégusté hein, le code du travail mis en morceaux et combien de choses. Mais oui, alors, le 22, pour nous, c'est le 22 mars, c'est un grand rendez-vous. Hein. Clairement, les 5000 structures de base de la France insoumise ont été alertées... font ce qu'il faut pour qu'il y ait le plus de monde possible. On verra ce que ça donne. Mais surtout, ce que je veux dire, je faisais deux reproches. Le premier, la division. Elle est surmontée. Le deuxième, c'est la séparation entre l'action sociale et l'action politique. Je le redis, les transports, la SNCF, ce n'est pas que l'affaire des cheminots. C'est l'affaire de toute la population. Donc ni seulement des syndicats aussi, c'est ce que vous voulez dire. Évidemment. Ouais. Le 22 mars, si vous n'êtes pas cheminot, vous ne pouvez pas faire la grève. Ou si vous n'êtes pas de la fonction publique, si vous travaillez dans une entreprise de nettoyage, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, comment vous faites ? Donc je repose ma proposition du mois de septembre sur la table. J'ai vu qu'elle avait fait son chemin. Je repropose qu'un jour de fin de semaine, un samedi ou un dimanche, on puisse appeler tout le monde à la rescousse. C'est le fameux million que vous vouliez faire descendre sur les Champs-Élysées. À la fin, on m'a dit, alors votre manif d'un million à la première lieu. Bah, c'est ça que vous relancez. Mais je repose sur la table l'idée qu'on puisse tous se retrouver aux côtés des cheminots, de la fonction publique. Un samedi ou un dimanche. Pour défendre l'État. En attendant, les partis politiques, eux, sont désunis. Parce que regardez, Olivier Besancenot, lui, il appelle à un front uni avec vous, avec Benoît Hamon. Est-ce que c'est envisageable ? Alors déjà, première bonne nouvelle, il est revenu. Qui ? Besancenot. Il est revenu de quoi et de où ? Sur le devant de la scène. Ah d'accord. C'est un gros renfort pour nous. Ça sous-estime pas ça. Bon, bref. Premièrement. Deuxièmement, il fait une proposition qui change du tout au tout la ligne qu'il avait suivie jusque-là. Vous vous rappelez peut-être qu'il voulait à l'époque et ni le front de gauche, ni rien, pas question. Là maintenant, il fait une proposition. Mais je lui dis, bon, moi je ne suis pas d'accord avec les fronts de sigle, la soupe aux sigles. Hein? Alors on met tous nos sigles et puis on pense que miraculeusement ça va faire venir les gens dans le combat. Mais dans ce qu'il dit, je veux faire un pas, parce que pour une fois que quelqu'un fait quelque chose de positif dans ma direction, je vais pas le laisser. Je dis à Olivier Besancenot et à tous les autres, laissez tomber ces histoires de front. Ce dont nous avons besoin, c'est de combat commun. Donc là, on pourrait dire, et puis sans embrouiller avec les sigles. Mais concrètement. Concrètement. nous pourrions faire le rail en commun. D'accord ? Donc, on se réunirait, on organiserait l'action, en dehors des syndicats, bien sûr, c'est-à-dire dans la population non cheminote et non fonction publique, et on engagerait, comme on fait pour les caisses de grève, pour aider les cheminots. Mais est-ce que Benoît Hamon, il est le bienvenu dans cette histoire ? Ben, quand c'est un combat commun, pourquoi pas ? Si c'est un front où on va mettre nos sigles, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, à qui ça s'arrête où ? Le Parti Socialiste, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans ? Bon, je comprends qu'on a le plus grand mal à savoir ce qu'on peut en faire. Justement. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Mais bon, il y en a plein d'autres aussi. Justement, quand on ne sait pas Jean-Luc Mélenchon, on va accueillir Éric Hackman, journaliste politique à Paris Match, parce qu'il va vous en parler aussi du Parti Socialiste. Allons-y. Bonjour Éric. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Hackman. Alors, en ce moment se déroule le congrès du Front National à Lille. J'aimerais savoir si vous considérez toujours Marine Le Pen comme une adversaire redoutable aujourd'hui. Plus que jamais, car l'extrême droite est en progression dans toute l'Europe. Il faudrait quand même s'en rendre compte. Et l'extrême droite européenne, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'était Madame Le Pen jusque-là. C'est une extrême droite qui non seulement est xénophobe, bon, et tout ça, et raciste, bon, on connaît, mais qui en plus est très libérale dans tous les pays d'Europe. Hein. Et Madame Le Pen, là, est en train de faire ce tournant. Elle revient à l'ancien Front National. Vous pensez qui était que libérale. Marine Le Pen devient libérale ? Ah ben, elle a changé de discours. Donc elle n'est plus anti-système. Non. Et donc le champion de l'anti-système, voilà. C'est vous. Attendez, déjà commençons par caractériser ce qu'ils sont en train de faire. Elle est passée de la dédiabolisation, à la banalisation. Elle rêve d'être un parti comme les autres. Très bien. C'est-à-dire les supplétifs comme en Italie, la Ligue du Nord, tout ça, qui sont des organisations d'extrême droite qui viennent faire à la fin des gouvernements communs avec la droite. Donc dorénavant, quand on vote pour Le Pen, on finit par avoir en quelque sorte un petit ticket d'entrée chez Wauquiez. J'aimerais vous parler du Parti Socialiste, parce que cette semaine, les militants vont choisir leurs nouveaux représentants. Est-ce que vous considérez qu'ils sont tous à mettre finalement dans le même sac et quel que soit le candidat, il n'y a plus rien à attendre du Parti Socialiste ? Ce serait trop brutal. D'abord, je suis ce congrès avec intérêt. J'ai regardé le débat, ce qui est un effort. Je me suis aperçu que, en gros, l'utilité qu'ils voient à leur parti, c'est eux-mêmes. J'ai l'impression qu'ils m'ont laissé. À quoi sert le PS ? À faire vivre le PS. Bon, très bien, mais ce n'est pas le sujet dans la population. Et je les vois, peut-être vont-ils clarifier leur position. Je vous demande de bien comprendre que chaque fois qu'on me parle de faire des fronts avec Pierre-Paul ou Jacques, à chaque fois, j'aimerais bien savoir ce que ces gens-là pensent. Mais sur les quatre, il y en a un qui a votre priorité, votre préférence ? Si je fais ça, je lui rends un tel mauvais service qu'il vaut mieux que j'évite. Non, mais attendez, est-ce qu'ils vont être dans l'opposition ou est-ce qu'ils vont être entre les deux ? Parce que je voudrais rappeler qu'au vote de confiance, qui est quand même l'acte de base au Parlement du rapport au gouvernement, 3 ont voté contre la confiance, 5 ont voté pour, et tous les autres donc sont donc vous attendez de voir. Alors, maintenant, sans fil. Non, mais c'est qui ces gens-là ? Ils sont dans l'opposition, dans la majorité ? C'est la question. Attendez, que j'ai pas fini. Je vais vous dire un mot. Même quand ils sont dans l'opposition, on a vu M. Dussopt passer des heures à lire des discours contre le gouvernement. On vote la loi de finances, il vote contre, et le lendemain, il est membre du gouvernement. Luc Mélenchon. Monsieur Le Tellier, est-ce que vous saviez que Le Drian était toujours membre du PS ? Oui, on en avait parlé ici, on avait même posé la question. Ah oui ? Eh ben, c'est quand même énorme, j'apprends maintenant qu'il en est alors, parti. On lui a donc jamais rien demandé à Jean-Luc Mélenchon, sans filtre, c'est un peu comme ça que vous voulez vous adresser aux Français, et on va le voir. Faites combien de termes, ce coup-là ? 57. On y va ? Bonjour, c'est la 57e revue de la semaine. Ça fait un bail, hein ? Bon, allez, on traîne pas. Générique. J'ai la chance d'être un homme politique qui n'a pas besoin d'autres médias que les siens pour s'exprimer. Au point d'ailleurs que j'envisage de me passer de tous les autres. Les techniques de communication, ça m'intéresse. J'ai fait le 36-15 quand il y a eu le Minitel. J'avais un site. J'ai fait une télé dans une cage d'escalier. J'ai fait un gratuit du département de l'Essonne qui a été un gros succès. L'hologramme, c'était... là, c'était quand même... c'était culotté, ça. Alors, où suis-je ? Et maintenant, à Paris ! Les gens ont raconté des tas de choses après j'ai lu, que je ne me remettais pas d'avoir perdu et tout, mais pas du tout, ils ne comprennent pas. si on était arrivé, alors il y a beaucoup de si, hein, arrivé au deuxième tour, et si on avait gagné, ce que je pense que le camp du fric se serait mobilisé, Jacques, quand on voit ce qu'ils m'ont mis pendant les 15 derniers jours, qu'est-ce que ça aurait été entre les deux tours. Mais un jour, ils vont perdre, et ce jour s'approche. Alors, j'en sais rien si c'est nécessaire. Tu sais, c'est la mise en scène du dialogue, parce qu'il faut que ce gouvernement donne l'impression de dialoguer. C'est plus dur que moi, toi. Hein. Bonsoir. On n'est pas une bande de copains. Hein. Nous sommes des opposants, ils sont au pouvoir, ce qu'ils font est très mauvais, et nous on s'y oppose. Mais cependant, il y a une certaine décontraction qui facilite l'échange et fait baisser le niveau de la tension qui existe naturellement, parce que nous sommes contre tout leur truc. Donc vous diriez, comme après votre rencontre avec Emmanuel Macron, on peut discuter avec Édouard Philippe. Oh. Peut-être. Non. Il est moins carré que l'autre. Hein. Il est plus sinueux, hein, mais c'est peut-être des apparences. Hein. Bonsoir. On va parler de tout ça, Jean-Luc Mélenchon, mais d'abord sur les médias. Il y a une phrase que vous avez écrite sur votre blog. La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Les syndicats de journalistes dénoncent ces propos en disant on peut critiquer les médias, mais pas la haine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que vous regrettez ces propos? Est-ce que vous les êtes... Non. Et je vous invite à rentrer en vous-même et à réfléchir. D'abord, sur cette manie, sur un texte de 32 000 signes, de sortir une phrase parce qu'elle vous arrange, parce qu'il y a un mot qui permet de me flétrir. Il y a le mot haine. Écoutez-moi, la haine, des fois, c'est ce qui vous permet de ne pas laisser l'acide passer sous l'armure. Parce que nous avons subi des mois de bashing, hein, de déversement de boue contre les nôtres. Je parle des salariés, je parle des syndicalistes, je parle de... C'est sans arrêt, sans arrêt... Sans arrêt. Donc vous gardez ce mot. Attendez, j'ai pas fini. Le rejet du parti. Monsieur Mélenchon, pardon. Le rejet du parti médiatique, c'est quelque chose qui vous rapproche d'autres personnalités politiques, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, compte tenu de votre engagement. Est-ce que c'est pas un petit peu étonnant? Écoutez, c'est vous qui devriez vous poser la question de savoir pourquoi trois responsables politiques qui représentent au total peut-être les trois cinquièmes des électeurs de ce pays en viennent à dire que c'est une vie insupportable. Ah, pour le coup, il y a 9 un front, milliardaires possèdent 90% des médias. Et sans qu'il y ait besoin de passer un coup de téléphone à un journaliste, le règne de l'autocensure existe partout. Je connais de l'intérieur les rédactions, parce que dans toutes les rédactions, il y a des insoumis. D'accord? Alors je reviens sur ce que je disais. Premièrement, les salariés, les syndicalistes, les gens qui défendent nos thèses, ou dont nous défendons les thèses, sont traités d'une manière indigne. Et deuxièmement, nous, les insoumis, nous avons été soumis depuis septembre, toutes les semaines, chaque semaine, à un incident, un événement, et quelque chose destiné à nous flétrir. Et ça crée de la haine chez vous? Vous savez, je n'aime pas la haine par orgueil. Pourquoi? La haine, c'est l'ennemi qui prend pied en vous. Mais des fois, c'est la seule protection que vous avez. Il faut que vous puissiez détester... Pour ne pas donc vous que le miroir fonctionne. Vous détestez qui? Les médias, les journalistes, vous détestez qui? Mais écoutez, mon cher, vous n'avez qu'à me lire. Bon. Je ne déteste personne. Et juste une dernière question. Non, attendez. Je ne déteste personne. J'ai expliqué ce qu'est le système médiatique. C'est la deuxième peau du système. Il y a un parti médiatique qui, d'un bout à l'autre de la chaîne, répète les mêmes choses. Mais c'est pas vrai pour tous les journaux. J'ai une vive sympathie pour l'Humanité. Je lis La Croix avec beaucoup de plaisir. J'adore le monde diplomatique. Je lis Politique. Juste avant de donner la parole moi, à Éric Acquant. Et ainsi de suite. Vous regardez le média. Voilà. Est-ce que vous mettez dans la même catégorie la télévision en ligne, le média, qui est dirigé ou qui a été fondé tout seul, qui a été fondé par votre ancienne directrice de campagne? J'ai beaucoup de sympathie pour ce qu'ils font. Il n'y a pas de haine envers eux? Non, je viens de vous dire aussi qu'il n'y en a pas envers l'humanité, qu'il n'y en a pas envers le monde diplomatique. C'est vous qui faites une globalité. Parce que c'est ça votre système. C'est le corporatisme le plus noir. Quand j'attaque sur un plan les conditions sociales des journalistes qui doivent être modifiées, ou la propriété des médias, moi, au pouvoir, je ferai une loi contre la concentration. Monsieur Mélenchon. Personne n'aura le droit de posséder plus un journal. Éric, ou d'une autre question. À ce moment-là, vous dites, vous attaquez à tous. Non, il y a un homme qui, justement, multiplie les attaques sur tous les plans, c'est Emmanuel Macron, qui multiplie les réformes. Immigration, justice, etc. Il va très vite. Est-ce qu'il ne va pas trop vite, vous, l'opposant numéro un, pour vous puissiez le saisir? Ben, on en est tous là, hein. Ça va tellement vite, c'est une technique. C'est pour nous suffoquer. Vous-même, les journalistes, vous avez un mal de chien à suivre. Ne me racontez pas d'histoire. Nous, on a des assistants. Vous, monsieur Hackmann, vous n'en avez pas. Vous, monsieur Letellier, non plus. Nous, on a des assistants et on a du mal à suivre. La question, c'est monsieur Macron. Donc, il vous suffoque. Ben, et moi, il me suffoque pas parce que je suis un guerrier aguerri. Et je sais par où attraper une question et une autre. J'ai cette expérience-là. Mais beaucoup de gens sont suffoqués par le nombre de choses qui tombent en même temps. Alors, prochain rendez-vous. Nous avons parlé des médias. Attendez monsieur... une seconde parce que j'ai une chose à annoncer. Vous savez que j'ai fait une pétition pour qu'il y ait un conseil médiatique, un conseil déontologique pour les médias. C'est-à-dire que je veux pouvoir, comme tout le monde, avoir un recours autre chose que de faire des procès. Monsieur Mélenchon, le recours, c'est le suffrage universel. Parlons des élections européennes qui arrivent. Mais monsieur Hackmann, vous êtes trop pressé, j'ai même pas le temps de faire mon... Non, mais parce que ça va beaucoup de sujets. Oui, ça va vite. Le 12 avril prochain, j'ai rendez-vous avec le président Macron pour lui parler de ma pétition. Ah bah, ça vous intéresse quand même. Sur les conseils, sur le conseil déontologique. Parce que ça intéresse Emmanuel Macron. J'ai demandé à Emmanuel Macron à le rencontrer pour lui parler de ça. Et il a fini par me proposer une date, ce dont je lui suis reconnaissant, le 12 avril prochain. Donc le 12 avril prochain, ma pétition arrive à l'Élysée et je vais voir ce que le chef de l'État va me dire. Alors, est-ce qu'on peut parler des élections européennes? Vous avez dit la bataille est commencée, vous l'avez écrit. Est-ce que vous serez tête de liste ou candidat? Je ne serai ni tête de liste ni candidat. Qui sera je le suis tête député de liste Marseille. Et bon, ça va quoi, j'ai de quoi m'occuper. Je suis président du groupe parlementaire. Alors c'est une vie très dure que j'ai entre les deux, mais voilà. Qui sera la tête de liste? Vous avez déjà une idée? On y réfléchit. Manuel Bompard, Charles Girard. On y réfléchit. Il y en a plusieurs qui sont capables de l'être. Moi, mon travail maintenant consiste à pérenniser la force politique que nous avons fait émerger dans la présidentielle et la législative. Et à partir du groupe parlementaire et du mouvement qui est très puissant, on va passer à l'étape suivante que vont être les élections européennes. Il n'y a pas besoin que je sois candidat. Et qui seront vos alliés, monsieur Mélenchon? Vous avez dit même pas en rêve à Benoît Hamon. Je crois que le Parti communiste ne partage pas. Non, mais vous voyez comme vous simplifiez. Si vous l'avez, outrancière. J'ai dit. Non, mais monsieur Hamon a dit, nous laissons la porte ouverte, ce qui est très généreux de sa part, nous laissons la porte ouverte, à condition qu'il change sa position sur l'Europe. Et j'ai dit, écoutez, pour avoir un accord, il faudrait que je renonce à mes positions, mais pas en rêve. Voilà ce qui est pas en rêve. Mais maintenant, si monsieur Hamon veut devenir raisonnable, s'il arrête de dire qu'il compte changer la vie dans le cadre des traités existants, alors qu'il sait aussi bien que moi que ce n'est pas possible, bien sûr qu'on peut parler. Mais nous, on a toujours été pour parler avec tout le monde. Et je suis le seul groupe parlementaire dans lequel il y a plusieurs composantes politiques. Alors, quel est ce procès permanent du fait que je ne voudrais parler avec personne? Je demande qu'on me traite avec respect. Alors, qu'on me dise, mon petit gars, je viens m'allier avec toi, à condition que tu changes de discours, que tu changes de programme et t'acceptes de porter mes valises. Donc, on verra ça. Merci, Éric, d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. Merci. On va parler maintenant de Bure, où il y a un projet de site d'enfouissement de déchets radioactifs. Et il y a des manifestations régulièrement, parfois violentes. Et puis, des élus, des associatifs qui sont contre. Le gouvernement est en terrain miné là. Bure peut-il être le nouveau Notre-Dame-des-Landes? Et le souhaitez-vous même? C'est pas comme ça que se pose le problème, monsieur Letellier. Le problème qui se pose, c'est nous sommes la nation la plus nucléarisée peut-être du monde. En tout cas d'Europe. Ça ne peut pas continuer. C'est dangereux. 17 réacteurs arrivent en fin de vie à l'intérieur de ce mandat. Le président de la République va devoir faire le choix de faire soit le grand carénage qui coûte 100 milliards, c'est-à-dire remettre tout ça d'aplomb, soit mettre ces 100 milliards immédiatement dans des... Oui, mais revenons à Bure. Faut-il le faire, ce centre d'enfouissement, ou pas? Mais bien sûr que non, qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas raisonnable. Enfouir les déchets nucléaires en se disant, comme on ne les voit pas, il n'y a pas de problème, c'est une attitude irrationnelle. Qui plus est, les risques d'incendie viendraient à répandre partout des déchets nucléaires. C'est la raison pour laquelle nous faisons une campagne pour la sortie du nucléaire. Vous m'entendez? La sortie du nucléaire. Justement, vous lancez aujourd'hui une votation citoyenne pour la sortie du nucléaire. Voilà. Profitez, si on peut dire comme ça, du 7e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Est-ce que c'est une façon de faire pression sur Nicolas Hulot? Évidemment, c'est lui le ministre. Bien sûr que c'est une façon de faire pression. Et puis c'est surtout, nous avons pris, si vous voulez, un dossier que la politique ne traitait plus. Parce que Europe Écologie Les Verts s'est intéressé à d'autres choses. Mais les associatifs, eux, ont continué leur travail, mais ont été en quelque sorte, n'ont plus eu de prolongement en politique. Donc on a décidé de s'y mettre avec eux, et on organise une votation citoyenne du 11 au 18, le 11 parce que c'est le 7e anniversaire. C'est aujourd'hui. Oui, mais vous savez, monsieur Letellier, vous savez que c'est toujours pas fini, Fukushima. Allez pas vous rassurer et dormir tranquille, ça continue à envoyer dans la mer encore des litres et des litres et des litres de produits radioactifs. Donc, cette semaine, nous allons voir monsieur Naoto Kan, le premier ministre japonais de cette époque, qui va venir nous visiter et nous allons mener cette bataille. Tout à l'heure, je serai place de la République. À Paris, merci. Oui, pour le début de la votation. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Et puis je voudrais remercier aussi à l'occasion de cette 250e ceux qui sont là tous les dimanches. Je vous félicite d'avoir tenu 250. Ah mais oui, mais on tiendra d'autres. Claire Sébastien, Tristan Nolin, Valérie Verduron, Jean-Pierre Renaudat, Laurent Adisséam qui sont là tous les dimanches aussi. Et Catherine Matoche est là aussi quasiment tous les dimanches pour l'actualité de la mi-journée. Alors, Joël de Ronay, tiens, j'aimerais qu'on commence avec ce livre. Je rappelle, Joël de Ronay, que vous avez été l'un des pionniers de l'étude et de la conception de molécules par ordinateur, que vous avez été enseignant-chercheur au MIT aux États-Unis pendant plus de 10 ans, puis à l'Institut Pasteur, que vous êtes l'auteur d'une œuvre scientifique importante hein, qui a notamment prédit la révolution du micro-ordinateur. Il l'a dit dans les années 80, Joël de Ronay. Et vous avez également été, j'adore, champion de France de surf. C'est vrai. On est dans les sensations dont on parlait tout à l'heure. C'est s'immerger dans la nature, comme le disait Hubert tout à l'heure. Moi, je suis dans l'écosystème, en train de prendre des vagues, en train de penser à mes prochains bouquins, en train de remercier la nature de m'envoyer des vagues aussi belles, qui me donnent autant de plaisir. Donc, je suis immergé dans ça. Ça m'a donné des tas d'idées de livres et d'articles. Mais quand vous parliez de ce travail que j'avais fait au MIT, j'ai toujours été passionné par le mystère des origines. L'origine de la vie, mon premier livre, en 1965. Ça les origines de la vie. Les origines de la vie, de l'atome à la cellule. Et pourquoi de l'atome à la cellule? Parce que je suis passionné par les molécules et les atomes. C'est pour ça que je suis chimiste. Les chimistes, c'est un peu une sténographie mentale de la complexité. C'est-à-dire qu'avec les formules chimiques, ce sont des codes. Les formules chimiques arrivent à coder la matière autour de nous. Tout ce qui est autour de nous est codé par de la chimie, qu'il s'agisse du solide, du mou, du dur, du biologique, des cristaux. Et ça, ça me fascine complètement, comment la nature peut être codée par des systèmes aussi simples qui conduisent à une grande complexité. Alors justement, c'est ce que vous racontez dans ce livre, qui est un peu un livre de synthèse, hein, Joël de Ronay, sur les travaux que vous avez menés et sur les perspectives, pas les prospectives, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais en vous lisant, j'ai pas du tout l'impression que vous cherchiez à jouer les futurologues, mais plutôt que vous nous alertiez sur les risques et peut-être que vous nous proposiez des solutions. On va se servir justement des codes de la nature pour essayer de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Bon, bah ça c'est l'histoire des sciences, mais surtout pour préparer une société un peu meilleure. Je cherche à comprendre. J'adore les points de suspension, moi. On va commencer. La phrase de Jacques Monod. Le jour de sa mort, sur son lit de mort, il a dit « je cherche à comprendre » et sa famille l'a répété. J'ai utilisé ce mot parce que Jacques Monod était mon maître à l'Institut Pasteur. Votre mentor. Mon mentor, absolument. Il y a une question quand même que pose votre livre et qui est très simple, qui est peut-être un petit peu plus littéraire que scientifique, si vous me permettez. Quel est le lien entre d'un côté les vagues, les étoiles de mer, le nombre de pétales d'une marguerite et les galaxies? Fibonacci. Alors Fibonacci est un Italien, mathématicien du XIIe siècle, un des plus grands mathématiciens qui a inventé la série de Fibonacci, qui est très simple pour les étudiants qui sont là, ils peuvent la faire. On ajoute le nombre précédent. C'est 1 plus 1, 2 plus 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Donc c'est une série. Donc si on divise le plus grand nombre par le plus petit, on obtient ce qu'on appelle le nombre d'or, qui est un nombre qu'ont utilisé des musiciens, des architectes, pour travailler sur l'harmonie de la nature. Par exemple, une marguerite, elle a un nombre de Fibonacci de pétales. Pourquoi? C'est ça qui est fascinant. Pourquoi la nature utilise-t-elle les nombres de Fibonacci ou la série de... Par exemple, alors, pour quelle raison ce que nous voyons et qui est beau, un pétale de marguerite, est-il en réalité un code? Ou bien la spirale du nautile, de coquillage. Ouais. La vague du surfeur dont vous parliez tout à l'heure, c'est une spirale de Fibonacci. Ce n'est pas un cylindre. C'est une spirale de Fibonacci. Je montre une illustration dans le livre. Mais pour revenir aux plantes et aux fleurs, ce qui permet aux plantes de récupérer le plus possible de lumière, c'est de tourner autour de l'axe pendant leur croissance de 137,5 degrés. Et ça correspond à 1, 3, 5, 8, 13, 21 tiges ou pétales qui permettent d'optimiser la vie de la plante puisqu'elle reçoit plus de lumière sans faire de l'ombre aux autres feuilles qui sont en dessous. Alors ça, nous ne le savons pas quand on se promène dans la nature et qu'on regarde une marguerite et ses pétales. Ça veut donc dire, Joël de Ronay, qu'il y a pour toute chose des codes cachés? Alors il y a des codes cachés pour le grand public. Nous, les scientifiques, on est en train de les explorer. Évidemment, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre. Mais ces codes cachés, c'est rien de mystérieux, ce n'est pas le Da Vinci Code. C'est le code génétique, par exemple. Le code génétique, on l'a décrypté avec des machines spécialisées. Et surtout, je vous raconte une anecdote que je trouve fascinante. C'est qu'il existe aujourd'hui dans la plupart des grands laboratoires de biologie du monde ce qu'on appelle des machines à synthétiser les gènes. Ce sont des synthétiseurs de gènes qui fabriquent, une fois qu'on les a produits, dans une bactérie, une protéine normale. Alors comment on fait? On met dans ce robot, puisqu'on parle des robots, dans cette machine robotique, tous les ingrédients de l'ADN. Il en sort une molécule réelle qui est comme une molécule vivante, qu'on peut introduire dans une cellule vivante et qui va produire une protéine que l'on peut vendre comme médicament. Attendez, c'est en train de bouleverser absolument tout ce que jusqu'à présent... Code informatique, code biologique, produit capable de traiter une maladie grâce à une protéine fabriquée de manière synthétique par la biologie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est effrayant? Ben, c'est les deux. C'est ce que j'essaye de dire. Dans mon livre, moi, j'ai trois mots. J'ai émerveillement, révélation, je dirais tout à l'heure pourquoi, et inquiétude. Et j'ai aussi l'inquiétude dans mon livre sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies, sur... Ce qui nous attend, on va en parler dans un instant. Les nanotechnologies. Francis Allais, vous saviez que ce que vous observez pouvait servir de cette façon-là et être... Il y a un code là-dedans. Lequel ? L'éthique. Ah oui, il est sous-jacent à tout, mais même émergent. Mais l'éthique, est-ce que ce n'est pas nous, justement, les humains, qui devons l'amener dans l'informatique, dans la biologie? Absolument, c'est la coévolution entre nous et l'environnement qu'on a créé, qui nous change en retour. Et sans éthique, on ne pourra pas aller plus loin, et sans valeur. Je pense que les valeurs doivent nous aider à se mettre ensemble pour construire le futur, pas seulement avec la technologie, mais aussi avec de l'humain. Alors on va prendre un exemple très concret, ça c'est la révélation, il y a l'inquiétude ou alors au contraire l'espoir. Vous dites tout dépend de ce que l'on veut en faire, on rejoint ce vieux fantasme de la littérature depuis Prométhée jusqu'à Frankenstein en passant jusqu'à Philip K. Dick aujourd'hui, enfin il n'y a pas très longtemps. Et si un jour les machines prenaient le pouvoir, si les machines que nous avons configurées finissaient par se retourner contre nous. Alors, on le dit depuis la machine automatique, on le dit avec l'ordinateur, le mythe de Frankenstein ou du golem reprennent toujours ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2015, trois personnages très importants et très connus, Bill Gates, le grand businessman, Elon Musk, le grand entrepreneur américain, et surtout le grand physicien Stephen Hawking, on dit l'intelligence artificielle, c'est la pire des choses parce qu'elle va transformer l'humanité en esclavage, parce qu'ils vont apprendre d'eux et apprendre de nous. Et moi, je dis dans mon livre, et j'explique pourquoi, ils se trompent, je me permets de dire qu'ils se trompent, parce qu'ils ont une vision malthusienne. Ils pensent que l'évolution de l'intelligence artificielle et des robots est exponentielle, ce qui est vrai, mais que l'évolution du cerveau humain et des synapses est linéaire, ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que l'intelligence humaine plus les robots, plus l'intelligence artificielle, plus l'écosystème numérique qu'on a créé et qu'on continue à appeler Internet, en symbiose avec nous, vont augmenter l'intelligence humaine. Et c'est la voie alternative. Je ne dis pas qu'on la réussira, mais c'est la voie alternative que je propose, une intelligence augmentée plutôt qu'une intelligence artificielle. Alors, allons-y directement. C'est la différence entre le transhumanisme que l'on nous promet, c'est-à-dire la capacité ou l'envie, grâce à cette intelligence artificielle, de vivre beaucoup plus longtemps, d'être... peut-être immortel et en bonne santé. Sauf que, écrivez-vous, tout ça, ça passe par une sélection par l'argent. D'abord, et par la volonté. L'argent, pourquoi je dis que le transhumanisme est élitiste ? Parce que ce sont que ceux qui auront les possibilités de s'offrir des transplantations dans leur cerveau, des cellules embryonnaires ou des organes transplantés qui pourront le faire. C'est égoïste, parce que ça se concentre sur l'individu. Et c'est en même temps narcissique parce qu'on se regarde nous-mêmes. Alors que beaucoup d'entre nous, philosophes ou scientifiques, nous pensons que c'est la collectivité organisée et connectée qui peut apporter un changement dans l'humanité. Ce que j'appelle l'intelligence augmentée par rapport à l'intelligence artificielle. Cette intelligence augmentée, est-ce qu'il ne faut pas justement, Francis Allais soulignait la question rajouter de l'éthique, l'éthique. Hein, pour bien être sûr. Certain. Ça veut dire qu'on est quand même livré au libre arbitre de l'humanité. On se prend pour des hommes-dieux, on est en train de se transformer, mais le libre arbitre et la technologie ne suffit pas. Il faut aussi l'éthique, penser à l'autre. Il faut avoir des valeurs de partage, de solidarité, de générosité, d'empathie pour pouvoir construire ensemble ce monde de demain sans des dérives trop grandes. Ça me gêne beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre livre. D'ailleurs, je vous remercie de plaider contre l'obscurantisme et contre le créationnisme et des choses comme ça. Bravo et merci. Seulement, ce plaidoyer pour les techniques du futur, je crains que... C'est pas que pour les techniques du futur. Non, c'est un plaidoyer pour l'homme se réappropriant certaines technologies qui lui permettent de s'augmenter. Voilà, c'est cet homme augmenté qui m'inquiète un peu. J'ai peur que l'être humain n'y perde l'essence même de son être. Au contraire, moi je pense qu'on devient encore plus humain. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est intégrer à quelque chose de plus grand que nous, que j'ai décrit dans l'homme symbiotique, le cerveau planétaire. On est encore plus humain que si on n'est pas intégré. Prenez l'exemple d'une cellule vivante. Dans votre corps, une cellule de foie, une cellule de rein, une cellule de cœur, elle est encore plus elle-même. Parce qu'elle a une fonction précise dans un système intégré qui est l'organisme vivant. Si vous la prenez, vous la mettez en culture, vous pouvez parfaitement la mettre en culture dans une boîte de pétri sur une paillasse. Mmh. Elle est moins intégrée, donc elle est moins elle-même. Donc je pense que l'humain intégré à quelque chose de plus grand que lui, soit dans le macro-organisme planétaire dont je dis que nous sommes les cellules, soit dans cette sorte de cerveau planétaire en construction, il est encore plus humain, d'où cette notion d'hyperhumanisme, mais pas de transhumanisme. Pour moi, l'hyperhumanisme, c'est l'humain augmenté par sa volonté, collectivement et en connexion avec des outils qui l'aident. Mais ça n'empêche pas du tout, bien au contraire, la réflexion éthique qui peut éviter des dérives d'une trop forte puissance par rapport à ces outils. Ce que je dis ne repose sur rien de scientifique, c'est simplement un sentiment personnel. Non, mais vous avez raison. Mais j'ai pas du tout envie de devenir hyper humain. Mais vous l'êtes déjà. Vous voulez rester vous humain. Vous l'êtes déjà, oui, cher Francis. Oui. Vous l'êtes déjà avec votre système, votre portable que vous avez sans doute dans votre poche, ou les étudiants qui sont là, ou les personnes qui nous écoutent, qui ont tous leur portable dans leur poche. Ils sont des gens, déjà des hommes et des femmes augmentés. Vous vous rendez compte? Ils sont déjà des hommes et des femmes augmentés parce qu'ils ont des sens avec lesquels ils sont pas nés. On est né avec les 5 sens, mais maintenant, avec son smartphone, on a le sens de l'orientation avec le GPS, on a le sens de l'ubiquité avec les webcams, on peut voir des lieux où on n'est pas, on a le sens de ses amis où ils sont s'ils le souhaitent, qu'on les repère. Donc, on est déjà augmenté, maintenant. Eh bien, dès maintenant, j'ai des doutes sur l'intérêt de ces techniques-là. Vous avez un smartphone? Pas un. Mais j'en ai un, mais ce que je regrette, c'est que quand j'emmène mes petits-enfants en voiture, ben, ils sont tous les quatre. Ça, c'est un risque de dérive, voilà, dans lequel je parle, bien entendu. Le risque de dérive, c'est de prendre l'outil comme une addiction, oui, plutôt une addiction, que comme un outil, ouais, qui nous augmente. Ce que vous dites également, Joël de Ronay, c'est que de toute façon, cette évolution est inéluctable. Il va falloir aller soit vers le transhumanisme, le risque, l'inquiétude, ou vers cet hyper-humanisme. L'humanité est à repenser. Alors, ce qui est inéluctable, c'est l'exponentielle. C'est la vitesse à laquelle ça évolue. Et pour réagir, c'est comme le surf et la vague. Quand on est sur la vague, on doit s'adapter de manière multidimensionnelle aux informations, ouais, qu'on reçoit autour de nous, sinon on tombe. On dit, oh, le surfeur, il est en équilibre. Jamais, il est en déséquilibre contrôlé. Donc on est rentré dans une période de déséquilibre contrôlé où seule l'information multidimensionnelle, globale, peut nous aider à comprendre où nous allons et comment y aller ensemble. Allons-y ensemble, donc, à travers les codes cachés de la nature et Joël de Ronay, très bon livre qui pose beaucoup d'enjeux qui peuvent être un peu angoissants, hein, Francis Allais, ça je le partage avec vous. Mais si on y arrive, alors là, si on y arrive, ça va être passionnant. Il y a toujours des impondérables. Il n'y a pratiquement aucune instruction ouverte sur les dossiers de violence policière, par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est que des enquêtes de l'IGPN. C'est que des enquêtes de l'IGPN et aucune poursuite à ce jour. Quand vous prenez un gilet jaune qui commet des violences contre un fonctionnaire de police, deux jours après, il est devant une juridiction, c'est ce qu'on appelle les comparutions immédiates, il est jugé, condamné, il va en taule. Quand vous avez un fonctionnaire de police avec des vidéos très claires, explicites, qui commet des violences sur un manifestant, 5 mois plus tard, on n'a aucune orientation judiciaire et il est probable que à peine 5% de ces procédures aboutissent. Il y a des pratiques illégales. Je vous donne un exemple que j'ai rencontré encore il y a 7 semaines. Les victimes de violences policières gilets jaunes, ils n'ont pas l'argent pour payer les consignations. Les consignations, c'est ce qu'on doit payer pour faire ouvrir l'instruction. C'est une somme qu'on dépose au cas où la procédure est abusive. Normalement, quand on n'a pas d'argent, eh bien le doyen des juges d'instruction fixe les consignations à zéro. C'est aussi la loi. Et là, il les fixe à des sommes qu'ils ne peuvent pas payer pour les empêcher d'ouvrir les instructions. Alors, on demande l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, normalement, ça permet de fixer les consignations à zéro. Et l'aide juridictionnelle nous répond, tant que l'information n'est pas ouverte, vous n'aurez pas d'aide juridictionnelle. Donc, on bloque la possibilité pour des victimes graves, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, de pouvoir utiliser la justice pénale, alors que d'autres peuvent l'utiliser. Jean-Luc Mélenchon, c'était à craindre ces débordements, ces heurts, aujourd'hui dans la capitale? Bah écoutez, comme ça fait maintenant plus de 10 jours qu'on nous les annonce, la véritable surprise, c'est que c'est quand même lieu et que personne n'a été capable de les empêcher. Bon, écoutez, franchement, je voudrais rappeler que c'est pas le sujet du 1er mai. Là, il y a beaucoup d'incompétence dans l'organisation des forces de police. Le préfet Didier Lallemand s'était signalé en Gironde pour avoir provoqué quasiment tout le temps où il était préfet, il y avait des incidents toutes les semaines. Il y en a plus maintenant qu'il est parti. C'est à Paris qu'ils ont lieu. Lui-même, d'ailleurs, s'est signalé par un comportement particulièrement brutal et inacceptable lorsqu'il avait refusé de présenter des excuses au député Loïc Prud'homme, qui avait été matraqué au cours d'une manifestation où le malheureux essayait de remonter sur sa bicyclette. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous mettez en avant la compétence de l'exécutif par rapport à tout ça. Aujourd'hui, le dispositif policier déployé a été franchement à la hauteur. On a évité le pire, hein. Ah bon? Vous étiez au courant d'un pire qui devait se produire et qui ne s'est pas produit? Un chaos annoncé en tous les cas. Parce que, un chaos annoncé. Non, mais vous me dites, on s'attendait au pire. Évidemment, ça fait maintenant 11 jours que Monsieur Castaner dit qu'il va y avoir des incidents gravissimes. Alors tout le monde a envie de lui dire, mais alors monsieur, quelle disposition avez-vous pris? Écoutez, je pense pas que c'est abusé de ma situation d'opposant que de dire que c'est certainement le ministre de l'Intérieur le plus lamentable que nous ayons eu depuis longtemps. On n'a jamais vu une chose pareille. Nous en sommes maintenant à 2000 blessés. Il y a 1300 policiers qui ont été utilisés dans des conditions telles qu'ils sont eux aussi blessés. On n'a jamais vu ça. 1800 personnes condamnées, des interpellations à la chaîne, des policiers qui sont chaque semaine déployés comme une armée en face des milieux populaires. Et là, on est en train de parler tous les deux de quoi ? D'une poignée de gens annoncés depuis longtemps et vus depuis longtemps. Ouais. On demandait à l'exécutif Jean-Luc Mélenchon une réponse face à ces violences, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'a pas été à la hauteur ? Pardon, qui devait être à la hauteur de quoi ? Je n'ai pas bien compris. Le ministère de l'Intérieur devait être à la hauteur face à ces violences. Est-ce que, justement, on n'a pas répondu comme il le fallait du côté de l'exécutif ? Certainement pas. Certainement pas. Moi, je suis pas un technicien. Vous savez, l'ordre public, d'abord, ça a à voir avec l'ordre social. Quand il y a de l'injustice, il est difficile d'avoir de l'ordre. En tout cas, c'est une technique, c'est un métier. Vous faites un métier journaliste, l'autre fait un métier policier. Il y a une technique. On ne remplace pas les gens comme ça au pied levé. Et tout le monde n'a pas forcément un avis aiguisé et pertinent sur tout ça. Je vois que l'utilisation des forces de police à Paris a conduit à ce résultat qu'on gaze et qu'on matraque le cœur du cortège CGT ayant à sa tête le secrétaire général. C'est des choses qui n'ont jamais eu lieu dans le passé. Pourtant, il y a déjà eu des moments tendus, même le 1er mai de l'année dernière, si vous voulez bien vous souvenir. Mm-hmm. Donc, il y a là une sorte d'incompétence, d'incapacité à doser le recours à la violence. Mais enfin, moi, je ne veux pas rester là-dessus. Je voudrais rappeler que, contrairement à ce que dit le président de la République, le président de la République vient de dire aujourd'hui que le 1er mai, c'était la fête de ceux qui chérissaient leur travail. Alors, voyez-vous, ça, c'est une manière de parler qui était peut-être bien dans les années d'occupation, parce que c'est comme ça qu'on parlait. Mais je voudrais vous rappeler que le 1er mai n'est pas la fête de ceux qui chérissent leur travail. Le 1er mai est la manifestation qui a lieu tous les ans depuis 1886 pour la réduction du temps de travail. Et à l'époque, ils demandaient 8 heures de travail, 48 heures par semaine. Et 48 heures par semaine, c'est le chiffre auquel l'Union européenne a ramené le maximum du temps de travail avant heures supplémentaires. Donc je voudrais quand même qu'on prenne conscience du fait que, de même qu'on voit un saccage de la planète, il y a un saccage social. Et les gens vivent moins bien, les travailleurs vivent dans des conditions moins protégées aujourd'hui que c'était le cas il y a encore quelques années. Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus important. Est-ce que ce 1er mai, en termes de mobilisation, pour vous, c'est une réussite ? Je suis pas le mieux placé pour ça. En plus, on comprend plus rien aux chiffres, parce que il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur. Si vous écoutez le ministère de l'Intérieur, il y avait tout simplement personne dans la rue. Après, si vous écoutez les chiffres que donnent certains de mes amis enthousiastes, on a l'impression que la révolution est commencée. Et puis, la tentation que nous avons tous de couper la poire en deux ne veut strictement rien dire. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y avait plus de monde cette année qu'il n'y en avait l'année dernière. Cela est évident. Que le public de cette marche s'est rajeuni. Nous l'avons observé aussi bien ici à Marseille qu'à Paris, d'après ce que me disent mes amis et ce que je vois venir de toute la France. Voilà, puis, c'est une mobilisation qui intervient, Jean-Luc Mélenchon, au bout de 6 mois de contestation sociale. Est-ce que ça doit continuer ? Ça, vous savez, ni vous ni moi, on n'y peut rien. C'est les gens qui décident ça tout seuls. Mais ce qui est certain, c'est que le grand débat, ou le prétendu tel grand débat, n'a servi strictement à rien. La conférence de presse du président de la République a été mal vécue, si j'en juge, parce que ce qu'on me dit autour de moi. Parce que, voyez-vous, les gens qui ont fait 24 semaines de mobilisation sociale, ils l'ont pas fait pour qu'on supprime l'ENA, voyez-vous. Je ne dis pas qu'il ne faille pas toucher à l'ENA, mais enfin, c'était pas ça le sujet, quoi. Donc, il y a un ressenti d'une désinvolture, d'une forme de mépris qui est assez mal vécue. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé, c'est que une certaine convergence, attention, je dis bien une certaine convergence, s'observait entre les manifestants qui venaient derrière leur bannière syndicale plus grand qu'auparavant, donc eux-mêmes sont en proie à une mobilisation, des Gilets jaunes. À Marseille, nous avions la Manif Climat, nous avions des collectifs citoyens, si bien qu'on peut dire qu'à la fin, qu'ils aient ou non discuté un programme commun, ils étaient tous là en même temps. Et c'est une convergence, une fédération des mouvements populaires qui, évidemment, comme vous le devinez, retient beaucoup mon attention parce qu'elle me semble porteuse de futur, de possibilités pour l'avenir. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité de RTL Soir. Ils sont tous pressés là. Jean-Yann, c'est à vous. Oh, je devais bien donner mon tour. vous savez, j'en ai entendu trop. Oui. Les gens lisent le livre, c'est tout, ils verront. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Il est en vente à peu près partout. Mais ça se passe quand ? L'histoire là. Ça, c'est demain. C'est demain.

Jean Dutour, qu'est-ce que vous pensez de l'Apocalypse est pour demain? Eh ben moi j'ai lu l'Apocalypse est pour demain avec beaucoup d'intérêt, comme si c'était le livre d'un romancier professionnel. Et je me suis dit que pour quelqu'un qui écrivait son premier livre, il avait bien travaillé, là, il avait été jusqu'au bout de son idée, il n'avait rien laissé passer, et c'est très impressionnant, toutes ces bagnoles, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, je crois que la fin de l'humanité, ou tout au moins une certaine catastrophe possible, arrivera d'une façon de ce genre, c'est-à-dire par un excès d'automobile, beaucoup plus que par la bombe atomique. C'est ce que dit Ivan Illich, mais il est moins drôle que Yann. Ah ben, il n'est pas drôle là-dedans. Hein. Il est assez terrifiant. C'est assez terrifiant. Oui. C'est un Jean-Yann terrifiant, quand même. Ouais. Terrifiant, et puis alors il tue les gens, il en tue plus que moi, quand même. C'est beaucoup plus, alors vous êtes un artisan. Non, mais si vous voulez, la mort des gens due à des choses comme ça n'est pas bien grave. Ce qui est marrant, c'est que dans le thème du livre de Yann, ça ressemble c'est assez punk. Ça, c'est punk. C'est catastrophique, apocalyptique, horrible. Mais c'est écologiste aussi. L'écologie ne croit pas de cette façon-là. Enfin, elle brandit les menaces. Mais... Non, parce que l'écologie, c'est formidable, mais il faut reconnaître qu'il y a, une pollution extraordinairement agréable aussi, vous voyez. C'est vrai, moi je disais dans le temps, enfin, on m'a reproché ça parce qu'un jour j'avais dit je bois, je fume et j'embrasse des dames malades, alors je me pollue comme un dingue. Et c'est vrai, je trouve que c'est formidable de se polluer quand on a envie de se polluer. Quand les gens disent tiens, venez dans la maison, on va se polluer un bon coup, les gars, c'est quand même plus agréable. Oui, ce mot de polluer d'ailleurs n'est plus pris dans son acception du 19e siècle, ça ne signifiait absolument pas ça. Se polluer signifiait, vous me permettez que je le dise, signifiait se masturber. Oui. Oui. Ben, je ne me pollue plus depuis un bout de temps, mais je veux dire que... Bon. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Quelques minutes d'interview et je le rappelle, ensuite vous répondrez aux questions de nos auditeurs en direct au 39-21 jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous, Adrien Quatennens. Alors, nous posons la question ce soir. Difficile d'avoir des réponses claires. Beaucoup de choses ont été dites autour de cette intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Christophe Castaner ne parle pas d'intrusion mais d'attaque. Jean-Luc Mélenchon le traite de menteur. Est-ce que dans la classe politique d'une manière générale, sur ce genre d'affaires, on ne va pas un peu trop vite en besogne? Mais là, en l'occurrence, je crois que c'est Monsieur Castaner qui est allé beaucoup trop vite et qui surtout a instrumentalisé de manière très claire la presse, votre profession, en parlant d'attaque, c'est-à-dire d'une action délibérée contre un hôpital, ce qui est extrêmement grave. Et depuis ce matin, nous avons des témoignages de personnel soignant qui démentissent clairement les propos du ministre de l'Intérieur. Et grâce à vos confrères de plusieurs journaux qui ont fait le travail, eh bien, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'attaque de la Pitié-Salpêtrière. Donc, je crois que la coupe est pleine. L'année dernière, souvenez-vous-en, le 1er mai, c'était l'année où un ami de Monsieur Macron était déguisé en policier, se sentait autorisé à taper sur les manifestants. Et hier, c'est le mensonge de Christophe Castaner qui parle d'attaque, qui est du coup un mensonge éhonté, puisqu'il n'y a pas eu d'attaque de l'hôpital. Donc, le 7-9. Charline Vanhoenacker, l'organisation du Paris-Dakar a annoncé cette semaine qu'à partir de 2020, c'est l'Arabie Saoudite qui accueillera le rallye. Putain, c'est du génie. Je rappelle que si le Paris-Dakar ne relie plus Paris à Dakar, c'est pour éviter la Mauritanie en proie au terrorisme. Donc cette fois, on organise la course chez ceux qui sont soupçonnés de financer le terrorisme, l'Arabie Saoudite, et ça met les bagnoles à l'abri. Dans un premier temps, la course avait émigré en Argentine, au Pérou, puis au Chili. Mais là, on a un peu fait le tour des pays en crise. Les politiques d'austérité, ça va bien un moment. Donc le rallye migre une fois de plus. On dirait un milliardaire à la recherche du meilleur paradis fiscal. L'Arabie Saoudite, donc, le royaume a envie d'améliorer son image. Seulement l'image. Parce qu'il y a quand même quelques petits trucs dans le pays qui piquent encore les yeux et ça n'a rien à voir avec le sable. C'est marrant d'imaginer qu'on puisse donner une image moderne de son pays en important la plus grosse concentration de beaufs de la planète. Après, dans un pays qui a encore des mœurs du Moyen-Âge, faire venir un truc des années 80, c'est considéré comme moderne, bien sûr. Mais foin de mauvais esprit. Pour une fois que l'Arabie Saoudite veut donner un coup de fouet à son image et pas à l'un de ses habitants, on peut saluer l'effort. Je sais, les mecs à l'organisation de la course, leur truc c'est la mécanique, pas la géopolitique, donc on peut pas leur en vouloir. Et c'est là que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de désert en Corée du Nord, parce que sinon il y avait un bon coup à jouer pour Kim Jong-un. En revanche, s'il y a une étape qui passe par le Yémen, faudra bien penser à blinder les vides des bagnoles. Cela dit, ça promet un beau spectacle. Alors vous me direz, l'Arabie Saoudite, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Parce que c'est pratique quand tu dois faire le plein. Et puis organiser une course de blaireaux au volant dans un pays où les femmes ont à peine le droit de conduire, il n'y a pas plus cohérent. De toute façon, le bousin est impossible à greenwasher, alors autant appuyer sur le champignon en klaxonnant dans les dunes. Et puis la France fournit déjà des armes à l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi pas des grosses bagnoles? Moi, tout ce que j'en dis, vous savez, c'est que du moment que les journalistes qui couvrent le rallye ne doivent pas pénétrer dans un consulat d'Arabie Saoudite pour le visa, ils peuvent espérer rester entiers. Et là où ça va vraiment en valoir le coup, c'est qu'à l'arrivée, le vainqueur pourra sabrer le champagne avec un vrai sabre. Il faudra juste pas oublier d'essuyer le sang sur la lame. Bah sinon, il paraît que ça gâche un peu le pétillant. Alors, je voudrais pas que... Merci, merci beaucoup, Charline Vanhoenacker. Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, les imprécisions sur l'accès aux soins des Français. Entretenu par la France Insoumise ce week-end qui dresse un bilan sombre des premiers mois d'exercice du gouvernement Macron, un indicateur inquiète particulièrement le député du Nord, Adrien Quatennens. Près d'un Français sur deux. On était un Français sur trois, on va vers un Français sur deux qui renonce aux soins pour des raisons monétaires. Un Français sur deux renonce à des soins pour raisons financières, vrai ou faux ? C'est faux, Patrick. Même si certains sondages l'affirment, le dernier, en avril, du cabinet Deloitte, 48% des Français ont renoncé à des soins à cause de leur coût, disait-il. D'autres instituts évoquent un Français sur trois. En fait, ça ne veut rien dire, car c'est un sentiment qui est sondé. Il n'y a pas de question précise. On ne sait pas si les gens ont renoncé à une paire de lunettes, une couronne dentaire, un massage. Le service statistique du ministère de la Santé prévient d'ailleurs, on ne peut pas considérer cet indicateur comme quelque chose de fiable, même quand il est issu d'enquêtes officielles. Deux sources mesurent régulièrement le renoncement aux soins, l'enquête sur les conditions de vie de l'INSEE et celle de santé et de protection sociale très complète conduite tous les deux ans. Un Français sur quatre, selon elle, disent avoir renoncé à un soin dans l'année pour des questions d'argent, mais attention, dans la moitié des cas, il s'agit de soins dentaires dont la nature n'est pas précisée. 27% des renoncements concernent des lunettes, des soins d'optique. Et 5% seulement des Français ont en fait repoussé une consultation chez un spécialiste ou autre parce qu'ils ne pouvaient pas la payer. On ne sait pas s'il s'agissait de soins essentiels et la formulation de la question est très sensible. L'adresse l'a montré en 2015. Selon la manière dont elle est posée, le résultat peut varier de 15 points. Donc en réalité, Géraldine, on ne sait pas vraiment combien de Français renoncent à des soins. Non, la notion est trop subjective. L'OCDE, qui compile les données de différents pays, donne un taux de renoncement de 8,5% pour la France, en dessous de la moyenne européenne. Mais là encore, ce taux ne dit pas tout. Et c'est pour ça qu'on garde nos enquêtes, même bourrées de biais, parce qu'elles révèlent des problèmes récurrents. On voit que certains publics renoncent davantage aux soins que d'autres. Les femmes, les ouvriers, les gens sans couverture complémentaire. Les Français modestes déclarent trois fois plus souvent renoncer à un soin dentaire que les plus aisés. Ces soins dentaires restent le réel point noir. L'assurance maladie s'en est désengagée progressivement. Elle ne rembourse qu'un tiers de l'ensemble des dépenses. Et l'état de santé dentaire de la population se dégrade. Les soins d'optique sont aussi problématiques, d'où cette volonté du gouvernement d'améliorer la prise en charge des prothèses dentaires, auditives, des secteurs de l'optique, tout en gardant cette donnée à l'esprit. Si le reste à charge payé reste élevé pour certains soins, il reste globalement l'un des plus faibles d'Europe et notre médecine l'une des plus accessibles. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe. Europe 1. Il y a un tweet de Christophe Castaner, 21h04, jeudi. Ici à la salle Pétrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. C'est trois mensonges. Trois mensonges factuels. Alors on pourrait se dire, bon, c'est quelqu'un qui, sous le coup de l'émotion, par rapport à des témoignages, des images, fait un mensonge. Je trouve que c'est le ministre de l'Intérieur. Donc c'est très simple, moi j'accuse Christophe Castaner de mensonge et de manipulation de l'opinion. Parce que derrière, ça a embrayé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a failli se retrouver avec 32 personnes qui étaient en garde à vue. Je vais vous parler de certaines d'entre elles après. Oui. On avait tout à l'heure, d'ailleurs, l'avocat de l'une d'entre elles qui était sur notre antenne. 32 personnes qui étaient en garde à vue, des retraités, des jeunes personnes, etc. Manifestants pacifiques qui ont failli se retrouver en prison parce que ceux dont ils étaient accusés, c'est-à-dire violence en bande armée, dégradation matérielle, pouvaient les entraîner vers des peines lourdes. Éric Coquerel, est-ce qu'il pourrait quand même plaider la bonne foi? Quand vous entendiez hier le témoignage d'un certain nombre de médecins qui, parce qu'il y a eu quand même un mouvement de foule, sur le moment ont pu être inquiets, ont eu le sentiment qu'on venait au sein même de leur salle d'opération, ils se sont sentis menacés. Est-ce que quand Christophe Castaner plaide de ce point de vue-là la bonne foi, vous pouvez l'entendre? Non. Parce qu'un mensonge, ça veut dire sciemment. Dans ces cas-là, au moins vous utilisez le conditionnel. Moi, je vais vous dire. Là, cette fois-ci, il y avait le 1er mai 2018, c'était le McDo. Bon, tout ça a été détruit parce qu'en fait, il y avait une affaire d'État qui était la question de Benalla en train de faire le coup de poing sur des manifestants. Et là, cette fois-ci, c'est la Salpêtrière. La Salpêtrière était un symbole. On attaquait un hôpital. Donc, ça permettait, de caricaturer, d'attaquer les manifestants comme on fait depuis des semaines, des mois. C'est pas une erreur, c'est une construction. Je pense que de la part de Christophe Castaner, c'est une construction. Tout comme d'ailleurs sa gestion du maintien de l'ordre. Parce que moi, je ne mets pas en accusation, en premier lieu, les policiers qui, à certains moments, toutes les vidéos aussi le montrent, ont des pratiques quand même assez étonnantes dans ces manifestations. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, regardez-la, qui circule, où on voit des gens enfermée dans une cave à cigares. Mmh. D'accord ? En effet. D'accord. Elle circule tout à fait sur Internet. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Les policiers, c'est un corps de fonctionnaires qui a quand même une spécificité. Ils ont des armes, droit de s'en défendre, droit de faire le maintien de l'ordre. Donc, il est extrêmement important de leur donner des consignes claires. Et ces consignes, c'est le maintien de la paix publique. C'est une gestion de l'ordre dans le cadre républicain. Si vous commencez à dire, bah, en gros, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, parce que l'essentiel, c'est que les choses reprennent leur cours, c'est-à-dire qu'on en finisse avec cette mobilisation sociale, qui est à peu près le message qu'on entend à longueur de journée de la part de M. Castaner, vous prenez une lourde responsabilité, et M. Castaner est responsable de ces faits depuis maintenant plusieurs semaines. Bonjour à toutes et tous. Je vous salue de Madrid. Parce que, peut-être que vous le savez, mais voilà, je suis auprès de nos amis de Podemos qui lancent aujourd'hui leur campagne au pluriel. Ils lancent des campagnes, une campagne municipale, une campagne pour les autonomies, une campagne pour les européennes, qui ont toutes lieu quasiment au même moment, je crois que même le même mois, le même jour, en mai 2019. Et ils s'y prennent à l'avance, comme nous. Hein. Il va falloir qu'on s'y mette aussi et... C'est un de vos chantiers aujourd'hui. Donc je suis invitée à Madrid, ce qui est aussi un signal hein, pour nous important, puisque vous vous rendez compte qu'en étant auprès des camarades de Podemos, nous mettons en œuvre concrètement les coopérations, les liens, les amitiés politiques qui se nouent entre nos deux pays, entre nos deux forces, qui sont des forces qui, sur plein de sujets, défendent les mêmes orientations, les mêmes thèmes. On utilise souvent des mots très proches. Par exemple, je crois que vous savez ça aussi, hein, nous avons engagé une campagne. Alors, c'est notre campagne nationale au départ. Vous vous souvenez qu'on a une campagne nationale qui porte sur la lutte contre l'évasion fiscale. Eh bien, voilà, on a proposé à nos camarades de Podemos de mener cette campagne ensemble. Voilà, on coopère pour lutter contre cette évasion fiscale qui touche de la même manière nos deux pays. Et nous ne sommes pas les seules victimes hein, de ces pratiques fiscales détestables, déplorables, antisociales, tout ce que vous voulez, bref, condamnables. Et nous menons cette campagne ensemble avec Podemos qui a... trouver que c'était une bonne idée. Parce que nous avons évidemment des liens très forts et que nous avons tout intérêt à ce que leur campagne soit victorieuse dans leur pays. Je suis représentante ici de la France Insoumise en tant que co-responsable du programme L'Avenir en Commun de la France Insoumise. Et je participe à une table ronde qui a pour titre « Les forces de changement européennes vers 2019 ». Ça tombe bien. Donc je vais discuter avec, débattre avec des responsables qui sont déjà députés européens, Miguel Urban, qui est député de Podemos européen, et Marisa Matias, qui est, elle, députée portugaise européenne, et qui vont avec moi discuter de ces questions de campagne, de comment on fait campagne, de comment on fait campagne ensemble, de comment on fait campagne dans nos pays respectifs, et quelles sont finalement nos aspirations communes et notre projet européen commun. Plus généralement, je suis venue vous parler, par le biais de cette vidéo, pour que nous introduisions nos débats s'agissant de la campagne européenne que nous allons mener. Vous savez, cette campagne européenne aura lieu dans un peu plus d'un an, en mai 2019. C'est une campagne importante et puis renouvelée, hein, parce que le mode de scrutin a un tout petit peu changé. Nous ne élisons pas des députés européens par circonscription, mais nous les élisons sur la circonscription nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule liste nationale par organisation qui présente des candidats, si bien que nous avons à pourvoir une liste de 74 membres, 74 représentants français au Parlement européen, complétés par, et là on ne sait pas encore exactement combien il y aura de sièges réattribués après le Brexit, après le Brexit, mais on attend probablement 5 sièges de plus, puisque la Grande-Bretagne va laisser ses sièges puisqu'elle quitte les institutions européennes, eh bien on va en récupérer quelques-uns. Il est probable qu'on en récupère donc 5 de plus, ce qui ferait donc une liste nationale à constituer de 79 membres pour cette élection. Bon, ça c'est une chose technique, mais il faut l'avoir en tête, parce qu'elle va évidemment déterminer la manière dont on va faire un certain nombre de choix, mais il faut aussi avoir en tête surtout la perspective politique. Bon, vous le savez, cette élection européenne n'est pas du tout, mais alors pas du tout, déconnectée des difficultés politiques internes, nationales, françaises, qu'on rencontre en ce moment sous l'empire de ce gouvernement et de ce président Macron. Pourquoi ? Parce que Macron est quelqu'un qui met en œuvre une feuille de route dictée par la Commission européenne en particulier. C'est-à-dire que l'orientation politique de Macron, c'est une orientation politique néolibérale, ultralibérale, qui est ultra-violent et qui est largement inspiré de toutes les recettes que fournit, qu'impose la Commission européenne en particulier, qui est perclue de cette idéologie libérale. Donc, la façon que nous avons, nous, de répondre à Macron, ici et maintenant, par exemple dans le cadre de ce rapport de force qui est en train de se tendre à partir de la bataille des cheminots, dont je vous rappelle d'ailleurs que cette réforme de la SNCF, elle est largement inspirée des directives, des règlements européens en matière de libéralisation des réseaux, de privatisation des entreprises publiques. Donc, continuons le raisonnement. Cela veut dire que ce rapport de force qu'on est en train de tendre, notamment grâce à cette grande marche qui va peut-être avoir lieu, si on s'y engage de toutes nos forces, le 5 mai prochain, eh bien, ce rapport de force-là, il est un refus vis-à-vis de politiques dont l'origine naît au sein des institutions européennes. Par conséquent, lorsqu'on s'engage dans la campagne européenne, il faut s'engager avec cette perspective-là, celle du refus, celle de la résistance à ces politiques néolibérales et, par voie de conséquence, à ce que produit Macron. Donc il y a bien une cohérence entre la manière dont on va entrer dans la campagne européenne et la manière dont on mène le combat, ici et maintenant, contre les politiques macroniennes. La chance du moment, c'est la prise de conscience grandissante de ce qu'on ne pourra pas mener des politiques européennes d'intérêt général, c'est-à-dire qui protègent les travailleurs, qui protègent l'environnement, qui protègent la santé, qui protègent l'éducation, enfin qui garantissent ces libertés et ces possibilités d'émancipation humaine. Eh bien, on le sait bien, ces politiques européennes ne peuvent pas être menées à droit constant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas mener des politiques qui aillent dans le sens de l'intérêt général humain dans le cadre des traités actuels. Donc, cette idée-là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en haut de la hiérarchie des normes, elle est assez répandue. On ne peut plus faire croire qu'on peut continuer et qu'on peut modifier les choses, qu'on peut faire bifurquer l'Union si on ne revient pas sur les traités qui encadrent ou sur les normes qui encadrent toute action au niveau européen. Donc, utilisons ce levier-là. Et je pense que l'orientation politique qu'il faut avoir dans la campagne européenne, c'est de dire qu'il faut rompre avec les traités européens, c'est-à-dire agir contre tout ce qui étouffe la possibilité d'exprimer cet intérêt général, c'est-à-dire les lobbies. D'abord, c'est-à-dire ces procédures complètement alambiquées, pas du tout démocratiques, dans lesquelles le dernier mot est jamais en fait au peuple, mais est toujours à la Commission. C'est-à-dire le dogme, tout simplement, de la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire la finance, c'est-à-dire les paradis fiscaux auxquels on se garde surtout de faire obstacle. C'est également les obsessions sécuritaires qui font que cette Europe est devenue une espèce de forteresse dans laquelle finalement les plus ceux qui en tirent leur épingle du jeu le plus avantageusement sont finalement les forces de l'obscurantisme, les forces d'extrême droite, de la haine, etc. Donc tout ceci, ce sont des carcans, ce sont des obstacles à la possibilité de mener des politiques européennes conformes à une volonté démocratique qui ne peut que vouloir l'intérêt général. En gros, pour cette campagne européenne et pour accomplir ce grand changement, cette grande transformation sociale au niveau européen, il faut prévoir, un plan de résistance aux normes imposées par l'Union européenne. Entre nous, c'est le plan A, quoi. Et deux, il faut préparer les conditions auxquelles un plan B pourrait advenir. Voilà. Et pour cela, il faut qu'on ait des députés qui soient bien placés pour agir dans ce sens. Votre assemblée représentative, ça va être l'occasion d'ouvrir ce chantier-là, de le discuter et de mettre au point ces orientations politiques, les mots, les termes qu'il faut utiser pour faire passer ces idées et ces orientations. Donc c'est du boulot, c'est le début d'un gros travail. D'un gros travail qu'il va falloir mener ensemble, selon des modalités qui seront présentées par Bastien. Donc, on résume, notre responsabilité, c'est de produire un texte programmatique et de constituer une liste qui porte ses aspirations à une Europe insoumise, à une Europe qui refuse le dogme libéral actuel qui nous écrase. Il s'agit ici vraiment d'un enjeu de société majeur. Mais ça, on connaît, on l'a déjà fait à la maison pendant les présidentielles et les législatives. Et la voie est ouverte pour continuer et sanctionner à cette occasion aussi la politique qui est menée par ce gouvernement déplorable. Voilà, donc au boulot, bon travail à tous.

décidé conjointement avec les deux rapporteurs et après avoir consulté ce matin la commission des lois, de demander au président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite. La commission d'enquête suspecte donc Alexandre Benalla et Vincent Crase d'avoir commis un faux témoignage. Trois autres personnes sont soupçonnées d'avoir retenu une part significative de la vérité. Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, chef de la sécurité du président de la République, et enfin Patrick Strada, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Nous avons demandé, est-ce que M. Benalla avait des responsabilités en matière de sécurité ? Il nous a été répondu que non. Et au mois de septembre, alors que nous avions demandé la fiche de poste de M. Benalla et que nous étions sur le point de l'obtenir, la présidence de la République a reconnu, et c'est inscrit dans la fiche de poste, que M. Benalla exerçait une fonction de coordination des services de sécurité. Le document en question est une note du chef de cabinet datée du 5 juillet 2017. On peut y lire qu'Alexandre Benalla était bien en charge d'une mission de sécurité. Cette note, dans un premier temps, nous a été refusée. Il y a manifestement une gêne de la part de la présidence de la République à révéler cette fonction de sécurité qui témoigne tout simplement qu'on a conscience que ce n'est pas normal, que ce ne soit pas un gendarme ou un policier d'élite qui, à l'épaule du président, soit chargé de cette mission qui est la plus cruciale. C'était un point de vulnérabilité et ce point de vulnérabilité s'est révélé plus grave encore quand on a su qu'il y avait de possibles conflits d'intérêts avec un oligarque russe qui ont jeté quand même une nouvelle lumière sur le lien qu'il y a entre la sécurité présidentielle et la nécessité d'avoir des policiers, des gendarmes d'élite et non pas des personnes qu'on ne contrôle pas parfaitement. Mais ce qui va le plus faire monter la pression, ce sont les 13 recommandations du rapport sénatorial, dont certaines qui concernent directement l'organisation de l'Élysée. À peine 2 heures après la conférence de presse, le porte-parole du gouvernement réagit au rapport. Je trouve curieux que les assemblées aient à se prononcer sur l'organisation du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif se prononçait sur l'organisation du travail des assemblées, on crierait à la fin de la séparation des pouvoirs. Le lendemain, c'est Édouard Philippe qui prend la parole pour une déclaration improvisée sur le perron de Matignon. J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris, car traditionnellement, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. Mais pourquoi leur seule défense, c'est cette théorie de la séparation des pouvoirs qui voudrait qu'on ne puisse pas s'exprimer finalement sur des sujets qui sont évidemment d'intérêt public? Bien, c'est parce que ils n'ont rien d'autre à dire. Et c'est parce que il n'y a pas un fait précis cité dans le rapport qui a été aujourd'hui démenti. Pas un. À ce moment-là, sénateurs et ministres s'opposent publiquement. Le même jour qu'Édouard Philippe, la garde des Sceaux est interrogée sur le rapport sénatorial. Selon elle, en s'attaquant au fonctionnement de l'Élysée, les sénateurs ont outrepassé leur mission de contrôle du gouvernement. La présidence de la République, ce n'est pas le gouvernement. Cela fait partie du pouvoir exécutif. Et protégé par une immunité qui va au-delà du président de la République. Il n'y a aucune immunité. Monsieur, je souhaite terminer ma réponse. Il n'y a aucune immunité. Évidemment, les services de l'Élysée font l'objet de contrôle. Quand il s'agit de contrôle financier, c'est de la Cour des comptes, etc. Ce n'est pas une question d'immunité. C'est une question de responsabilité et de légitimité. Pourquoi est-ce que les services de l'Élysée et le président de la République ne sont pas soumis aux mêmes règles que le gouvernement? C'est parce que le président de la République tient sa légitimité directement du peuple. Il a été élu par le peuple au suffrage universel. Et c'est cela qui justifie finalement et qui fonde la séparation des pouvoirs. Et le respect de cette séparation des pouvoirs est très important pour notre démocratie. Je crois qu'il va falloir s'habituer dans notre pays à ce que chacun remplisse sa fonction. La nôtre, c'est au nom des Français, parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le prévoit, desserrer un droit de regard sur le fonctionnement de l'État. Dans un pays comme le nôtre, où le président de la République est si puissant, nous nous gardons pourtant bien contrôler des actes ou des décisions du président de la République. Mais en revanche, le fonctionnement de ses services, ça, surtout quand il s'agit d'une politique publique comme la sécurité présidentielle, qui n'est pas la seule affaire du chef de l'État, ça nous appartient. Après 7 mois d'enquête sur l'affaire Benalla, c'est sur ce bras de fer entre l'exécutif et le Sénat que la commission prend fin. Dans le rapport rendu public, les conclusions sont accablantes sur le fonctionnement de l'Élysée. Mais le pouvoir des sénateurs s'arrête là, leur mission se limitant à faire des préconisations sans pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'exécutif. En février, Alexandre Benalla a été entendu par les juges pour avoir rencontré Vincent Crase alors qu'il en avait l'interdiction. Après une semaine en détention provisoire, il est sorti de prison fin février. Mais son personnage intrigue. Comment un seul homme a-t-il pu déstabiliser autant les institutions de la République et faire tanguer à ce point le début du quinquennat d'Emmanuel Macron? Je crois quand même qu'il s'agit d'un garçon qui a beaucoup cherché son avantage personnel. Il n'est pas dénué de talent, sinon il ne serait pas allé jusqu'à l'Élysée. Je pense qu'il a, d'une certaine façon, en effet, abusé de la confiance qui lui était faite. Mais je crois que ça ne dédouane pas tous ceux qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour le cantonner, le confiner à un rôle normal de leur propre responsabilité, au fond. C'est un personnage qui est intelligent, qui a beaucoup de ramifications dans beaucoup de domaines, certainement un appétit du pouvoir, mais qui accomplit des actes qui posent véritablement problème. La question est de savoir comment ce personnage a pu ainsi fonctionner et comment il a pu créer tellement de dysfonctionnements en chaîne à tous les niveaux de l'appareil d'État. Sollicité, Alexandre Benalla n'a pas donné suite à notre proposition d'interview. De son côté, l'Élysée n'a pas répondu sur le fond aux dysfonctionnements pointés par les sénateurs. Chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils font voter, et puis après, pam pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, pom pom pom pom. dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette politique-là ? À la veille des élections, vous venez tous vous présenter en défenseur des ouvriers, des paysans. Vous venez tous avec une politique nouvelle, alors qu'en définitive, vous êtes au pouvoir depuis longtemps, vous avez tous les pouvoirs, et vous n'avez pas fait ce que vous promettez aujourd'hui. Dites-moi, monsieur Marchais. Non, ça prend du débat européen. Je répondrai brièvement. Ne le relancez pas, on ne va pas en finir. Monsieur Marchais, vous dites que vous êtes au pouvoir depuis longtemps. C'est vrai. Mais si on y est, c'est parce qu'on a été élu. Absolument. On a été élu, c'est parce qu'on n'a pas si mal, jusqu'ici, défendu les intérêts de la France et des Français. Sinon, ils ne sont pas plus chauds que d'autres, ils ne nous auraient pas réélus. Bien. Alors, pour ce qui concerne l'élargissement, monsieur Marchais, vous connaissez parfaitement ma position. Alors, je le répète, je sais bien que plus c'est gros, mieux ça passe, mais tout de même, il y a des limites. Je suis contre l'élargissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal. C'est clair. Et à la Grèce. La Grèce est un problème complètement différent et je ne vois pas d'inconvénient majeur à l'entrée de la Grèce dans le marché commun. Je pourrais en débattre avec vous longuement. Et je suis contre la rentrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Vous le savez parfaitement, vous me faites parler inutilement. Comment pouvez-vous penser une seconde, parce que là je crois que beaucoup de gens ont du mal à vous suivre, que du jour où les représentants qui seront élus au suffrage universel se trouveront à Strasbourg ou ailleurs, qu'à dater de ce jour, ils se comporteront à chaque fois qu'ils auront à débattre comme, disons, des gens qui braderaient leur indépendance et leur souveraineté nationale. Ce qui nous amènera d'ailleurs à parler de la France dans l'Europe et dans la Monsieur Ballou, je répondrai en deux secondes, parce que maintenant je commence à être en avance dans cette affaire. L'Europe, tout le monde y est favorable. Elle est nécessaire, cela va de soi. Et son organisation est indispensable. Mais il y a deux manières opposées de faire l'Europe. L'une, qui a toujours été celle d'égoïstes, et qui est aujourd'hui celle du rassemblement, et qui consiste à organiser l'Europe de façon telle que la France puisse dire non, sans pour autant casser l'organisation, si ses intérêts le commandent. L'autre, qui est celle des centristes, et qui est aujourd'hui celle de l'UDF, et qui consiste à donner toujours la priorité à l'Europe, fût-ce au prix de compromis que l'on accepte, même au détriment des intérêts de la France. J'ai évoqué à cet égard un certain nombre d'exemples, j'aurais pu en évoquer bien d'autres. Je ne parle pas, vous l'avez remarqué, de la conception communiste ou socialiste. De la conception communiste, parce que c'est une conception même de société qui est totalement opposée à la nôtre. L'Europe que veut le Parti communiste, nous la connaissons bien, c'est l'Europe de l'Est. Elle existe, elle se mérite. Et moi, je ne suis pas prêt à l'accepter vous venez de faire preuve d'une grande originalité. Là. Vous savez, il y a de ces vérités qui sont bonnes de temps en temps à rappeler, ouais. M. Marchais. Ouais. C'est au moins aussi original d'affirmer que je suis partisan de l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Absolument, vous êtes pour. Pour ce qui concerne le Parti socialiste, je n'en ai pas parlé non plus parce que je n'ai toujours pas très bien compris quel était le type d'Europe qu'ils souhaitaient. Dans leur dispute devant la France et montrant de la façon la plus évidente de quelle façon aujourd'hui l'incohérence nous gouverne. Mais c'est vrai que la question qui vient à l'esprit, elle a été redite tout à l'heure par Georges Marchais à l'égard de Jacques Chirac, quoi, si on est tellement critique au regard de la politique menée par le président de la République et qui serait nuisible aux intérêts de la France, eh bien, on le dit et puis on agit, on ne se contente pas de parler. Mais enfin, je vais répéter la même formule, ce n'est pas pour l'instant mon affaire. Et revenons, si vous voulez, en dehors de ces polémiques un peu marginales dans le cadre de notre discussion, à quelques points précis que vous avez traités à votre manière agricole. Mais bien entendu, il faut un marché commun agricole. Bien entendu, il le faut. Bien entendu, l'ensemble de l'agriculture française a pu connaître des développements grâce à ce marché commun. Et voilà pourquoi j'en reviens à la question initiale que je posais, celle du début de notre débat. Le problème n'est pas de savoir si nous sommes pour l'Europe, finalement. Nous sommes tous pour, puisque j'ai même entendu cette énormité, à savoir que Georges Marchais, le Parti communiste, était pour l'élection au suffrage universel. Bien entendu, c'est un ralliement très récent. Mais peu importe. Quand on a signé le programme commun 1972. Ce qui compte en vérité, c'est que ce marché commun agricole est dominé par des intérêts que l'on trouve en France, que l'on trouve dans les autres pays, qui sont les intérêts du grand capital et des privilégiés. De telle sorte qu'une bonne institution, le marché commun agricole, a donné de tristes résultats pour toute une série de catégories de producteurs et finalement de l'ensemble des consommateurs, et bien entendu des plus faibles, des moins organisés ou des moins soutenus par le capitalisme industriel et bancaire, ainsi que par le capitalisme foncier. Voilà pourquoi j'en reviens à la première question, à quoi ça sert? Quelle Europe? De quelle Europe parlons-nous? Et c'est cela qui intéresse ceux qui nous écoutent. Ce ne sont pas des débats juridiques difficiles à suivre. À quoi ça sert et quelle Europe? Alors sur le marché commun agricole, question posée judicieusement, la taxe de co-responsabilité pour le lait, faut en finir, c'est tout. C'est plus simple de répondre, il faut s'en débarrasser, ou plutôt ce n'est pas juste. Pour ce qui concerne l'évolution du marché commun, c'est vrai que les grands céréaliers en ont tiré profit, traînant derrière eux l'ensemble de production dont l'agriculture dans son ensemble a profité. Oui, mais les autres, que faut-il penser des éleveurs? Moi, je les connais bien, dans ma Nièvre, des éleveurs. On sait bien que le marché commun, de ce point de vue, a été très faible quant à l'organisation des marchés et qu'il a permis bien des attitudes illicites de la part de nos concurrents. Que faut-il penser, à plus forte raison, pour les producteurs de vin, pour les producteurs de fruits et légumes, pour ceux qui produisent des fleurs? On sait bien qu'en vérité, le marché commun agricole, parce qu'il est dominé par les intérêts conservateurs, correspondant des intérêts du grand capitalisme international, a en fait abouti à créer deux types d'Européens. Il y a ceux qui en profitent, et il y a ceux qui en souffrent. Et l'objectif des socialistes, c'est de faire que ceux qui ont été jusqu'alors écrasés, exploités, opprimés, aient droit au bénéfice d'une heureuse institution. Alors, on est socialiste précisément du fond du cœur et de par toute la force de l'esprit et par la volonté militante pour changer cela. C'est pourquoi le problème n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Europe. On sait bien que l'Europe est là, que nous y sommes tous. Et on le répète, personne ne veut en sortir. Il faut savoir quelle Europe. Et ce que je viens d'en dire sur le plan de l'agriculture, déjà montre l'énorme différence. Ce qui nous sépare, vous, madame et monsieur, représentant de la majorité politique en France actuellement, et le Parti Socialiste. Alors, je pourrais vous dire encore, pour ce qui concerne le problème que vous avez traité tout à l'heure, Georges Marchais, bien entendu, c'est bien classique, vous voulez montrer que le Parti Socialiste aurait quelques complicités avec les partis de droite qui sont ici représentés par Madame Veil et par Jacques Chirac, quand vous dites tous les trois, et vous dites nous sommes seuls, en face des autres. Et oui, Georges Marchais. Non, nous ne sommes pas. Et oui, Georges. Il y a beaucoup de monde avec nous. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, c'est que votre expression vous a manqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, chaque le sait et l'a entendu. C'est vrai. Vous êtes, en tant que Parti communiste français, tragiquement seul, car vous n'avez même pas avec vous les autres communistes d'Europe, ni les Danois, ni les Italiens, ni pas plus que vous n'aurez demain les communistes d'Espagne. Je vous invite au meeting de Marseille avec Mme Hubert-Lingua, samedi. Vous savez bien que le problème posé par les autres communistes, c'est d'accepter l'Europe que vous refusez. Alors, l'Europe est une catastrophe. Et je souhaiterais aussi alors qu'ils disent qu'il faut en sortir. D'autres encore nous disent une seule Europe est viable, c'est l'Europe socialiste. Eh bien, tout cela n'est pas vrai. L'Europe, elle existe. Elle existe depuis 20 ans. Et la France y a joué et continue à jouer un rôle important. Elle n'est pas une catastrophe, M. Marchais. Et vous le savez, puisque vous souhaitez y rester. Mais une Europe socialiste, M. Mitterrand, laquelle vous souhaitez? Je dois dire que je n'arrive pas à le savoir. Est-ce celle de vos partenaires? avec lesquelles nous travaillons, ou bien c'est celle des socialistes français qui rêvent, je crois, de gouverner avec vous, Monsieur Marchais. Moi, ce que je ressens profondément et ce que je veux dire aujourd'hui aux Français, c'est qu'ils sont capables de tenir une place dans l'Europe et que je leur fais confiance. Heureusement d'ailleurs, car nous y sommes dans cette Europe. Alors quel jeu jouent ceux qui passent leur temps à affaiblir la France en la dénigrant et qui par là même dénigrent au fond notre pays et dénigrent son image. Et je voudrais dire aussi que le prestige de la France, le prestige du président de la République, même si ici certains le dénigrent, sont grands en Europe et dans le monde. Notre influence, la possibilité de faire prendre en compte les valeurs auxquelles nous sommes attachés, la possibilité aussi de continuer un progrès, de faire admettre une démocratie plus grande, eh bien, tout cela sera d'autant plus grand en Europe que nos représentants auront confiance dans, que les personnes qui éliront nos représentants auront confiance dans le rôle de la France en Europe. Et comment pourront-ils s'assurer que nos représentants pourront jouer ce rôle en Europe? Eh bien, je dois dire que déjà, ce qui me paraît très important, c'est qu'ils aient du temps, qu'ils soient disponibles, qu'ils puissent être convaincus de ce rôle de l'Europe. Comment pourront-ils dire que les intérêts de la France sont une chose à prendre en compte, mais que non seulement ces intérêts sont à prendre en compte, mais que l'image de la France, les valeurs que depuis 1789 la France défend, eh bien ces images, elles doivent trouver leur résonance dans toute l'Europe et par l'Europe dans le monde entier encore plus qu'aujourd'hui. Eh bien pour tout cela, il faut des gens qui soient disponibles, il faut des gens qui s'y consacrent totalement, et moi je suis prête, complètement, à me défaire de toutes mes fonctions, je l'ai dit, mais aussi à renoncer à une vie organisée à Paris, pour siéger dans cette assemblée qu'aujourd'hui on a beaucoup dénigré, on a dit elle sert à rien, pourquoi ça? Eh bien, si j'y consacre ma vie, c'est que je pense qu'elle a un rôle à jouer et que, pour ma part, cette idée de l'Europe que je me fais, je souhaite qu'elle puisse donner plus d'espoir dans l'avenir, plus d'espérance et préparer les générations futures. Assemble ici, autour de cette table et ailleurs, mais tous ensemble, nous sommes la France. Personne ne peut se l'approprier. Nous exprimons des grands courants de pensée, d'opinion, mais aussi des intérêts légitimes de classe. Nous, les socialistes, nous cherchons à représenter les classes opprimées, celles qui payent le prix de la société industrielle depuis bientôt 200 ans. Et nous voudrions que l'Europe, avec la France, que l'Europe et la France permettent à tous ceux-là, qui sont la majorité numérique et sociale, puissent vivre mieux et puissent vivre autrement. Voilà notre problème. Souvent, bien entendu, il faut polémiquer, mais imaginons. L'Europe est devant nous. Beaucoup d'événements, de grands événements vont se produire. Croyez-vous qu'on pourra demain mobiliser, entraîner notre peuple si ce n'est pas pour une grande idée? Si ça ne vient pas des profondeurs de la nation? Et comment pourrait-on? C'est là que je demande à Madame Veil, que je demande à Jacques Chirac, ils ne pourront pas me répondre, nous arrivons à la fin de l'émission, mais la campagne européenne n'est pas close. Comment imaginer qu'on peut demander un effort national poussé par une puissante idée du rôle de la France dans le monde en Europe, modifier les structures de l'Europe et modifier les structures de la France pour une nouvelle politique et une nouvelle économie? Qu'on pourrait le faire, comment imaginer, dans le système d'inégalité, d'injustice, qui fait qu'en réalité la majorité des Français sont exclus de la répartition de l'effort du produit et du fruit de l'effort qui est le leur. Voilà ce que je voudrais vous dire sur le ton de la conversation, en évitant tout discours. Oui. Qu'allez-vous demander aux jeunes qui n'ont pas de travail? Qu'allez-vous demander aux femmes qui sont traitées comme un sous-prolétariat, mal payées, délaissées, maltraitées? Qu'allez-vous demander à ces salariés qui perçoivent quelques dizaines de milliers de francs? Le SMIC est encore au-dessous de 2000, vous imaginez? Qu'allez-vous demander aux commerçants qui voient leur petite entreprise disparaître par le phénomène des grandes concentrations capitalistes? Qu'allez-vous demander aux agriculteurs qui voient le même phénomène, la disparition des petites et moyennes exploitations agricoles? Je pourrais continuer. Qu'allez-vous demander aux sidérurgistes acculés par toutes les coalitions internationales et des plus grands intérêts? Aux viticulteurs qui craignent pour la terre qu'ils ont traitée avec tant d'amour et tant de patience? J'en aurai fini en vous disant qu'est-ce que vous allez demander à ceux-ci, à ceux-là, à l'outre-mer? Qu'allez-vous demander à tous ceux qui espèrent et qui aiment la France s'ils n'ont pas le sentiment que ceux qui leur proposent l'Europe seront demain en mesure de changer l'ordre des choses? Bref, d'avoir une grande ambition nationale, une grande ambition populaire. Et pour moi, je vous dis ma conviction, je n'entends pas la faire partager. Rien n'est possible sans l'union des forces populaires. C'est maintenant à M. Chirac de conclure. Bien sûr que nous voulons l'Europe et que nous voulons l'organiser. Nous l'avons... Que diriez-vous d'une petite revue de presse? Eh bien, commençons par exemple par le vendredi 29 mars 2019, Vosges Matin, nullité de la procédure contre trois Vosgiens. Trois Vosgiens du cortège strasbourgeois des Gilets jaunes le 8 décembre ont été trouvés avec des armes et des objets incendiaires. Or, à l'absence de réquisition écrite du procureur, les policiers n'étaient pas autorisés à fouiller les sacs. Le tribunal a constaté la nullité de la procédure. Alors, autre chose, la France prône un partenariat euro-chinois fort. Lundi, Pékin a passé commande de 300 Airbus. Cela suffira-t-il à réconcilier Paris et Berlin qui veulent rééquilibrer les échanges avec la Chine? Et ben voilà, point d'interrogation, on verra bien. Alors, Macron a l'air d'être content, descendant les marches de l'Élysée, et Xi Jinping a un large sourire. Lui qui sourit pas trop souvent, et ben voilà. Alors est-ce que c'est bon signe? Sans doute, hein. Rapport Mueller. Donald Trump sent renforcer la voie libre pour la campagne 2020. Les conclusions du rapport Mueller rendu public dimanche par le ministre de la Justice Bill Barr et qui stipule l'absence de collusion entre Moscou et l'équipe de Donald Trump pendant la campagne 2016 constituent une incontestable victoire pour le président américain. Ouais, victoire peut-être provisoire. Qui sait? Vous savez, avec les histoires politico-judiciaires, il y a quelquefois des rebondissements. Alors, Brexit, l'Union européenne prête au divorce sans accord, mais ferraille encore. Alors ça, c'était le journal du 26 mars 2019, hein, c'est déjà un petit peu ancien. Que s'est-il passé dans ce domaine-là depuis? Pas grand-chose. Non. De temps en temps, il y a un fait qui émerge, et puis qui replonge, et puis qui disparaît. Ça plonge dans le fin fond de nos mémoires et puis on l'oublie. Voilà. Hein. C'est comme ça. Un fait qui peut paraître très important le jour même, eh bien, quelques jours plus tard, eh bien, déjà, il est envoyé aux oubliettes. Alors, l'alcool, le vin est un marqueur social. Comment expliquez-vous l'amour des Français pour le vin? Il y a beaucoup d'explications qui se conjuguent car le vin est un produit multidimensionnel. L'une des raisons est évolutive. Nous sommes des êtres capables d'absorber l'éthanol. Tout l'éthanol ne passe pas dans le sang grâce à une protéine, etc., etc. Ouais. 41 000, 80, le nombre de décès liés à l'alcool chaque année. 30 000 chez les hommes, 11 000 chez les femmes, selon Santé publique France. Dans le détail, les cancers en représentent 39%, les maladies cardiovasculaires 24%, les maladies digestives 16,5%, les accidents et suicides 13%, et les autres maladies mentales, troubles du comportement 7,5%. Voilà, qu'on se le dise, l'alcool, ça blesse, ça tue. Eh oui, bon, à certains moments, on a un peu encouragé les populations à boire parce que ça faisait marcher le commerce, dirait l'autre. Hein, les viticulteurs, les détaillants en tout genre, les grossistes, les transporteurs, etc., etc. Ouais. Et puis finalement, oui. Bon. L'Église doit d'abord donner la parole à la justice. C'est ce que déclare l'évêque des Vosges, disons, l'évêque de Saint-Dié. Film, documentaire, procès, l'actualité autour des abus sexuels au sein de l'Église ne faiblit pas. L'évêque du diocèse de Saint-Dié des Vosges, Monseigneur Berthet, revient sur les affaires en cours, rappelant qu'une cellule d'écoute est ouverte. L'Église n'est pas une contre-société qui s'enferme pour régler ses affaires. Oui, bon, eh ben on verra, hein. À suivre. Oh, il y a plein de choses à suivre. Mais aura-t-on le temps? Aura-t-on envie de toujours tout suivre? Faut-il pénaliser les clubs pour des chants haineux? Tiens, encore autre chose, là, football, polémique. Les clubs de football doivent-ils être sanctionnés quand des tribunes fusent des chants homophobes ou aux relents racistes? En France, des pénalités sont théoriquement possibles, mais très peu appliquées, et des acteurs plaident aussi pour le dialogue et la sensibilisation des supporters. Ben, il faudrait que dans l'église et sur les stades, la loi s'applique. Ben oui, et la loi s'applique de jour comme de nuit, au premier étage comme au rez-de-chaussée, à un bout de la rue comme à l'autre bout. Sur l'ensemble du territoire, la loi s'applique. Eh oui, il n'y a pas d'exception à faire. Ou alors, où va-t-on? La politique pas épargnée, remarque sexiste entre soi Indivision dans le milieu du pouvoir qu'est la politique, être une femme signifie se confronter à de nombreux obstacles. C'est Cécile Duflot qui déclare cela. Hein, ouais. Cécile Duflot, ancienne ministre, vous vous en souvenez? Eh oui, vous êtes des ingrats, vous l'aviez déjà oublié. Et Yves Etroudi, qui se souvient d'Yves Etroudi? Voilà des gens qui font de la politique pour faire le bien du peuple, pour faire le bien du peuple français, de la population. Hein, et on les oublie. Alors, quand même, la base, c'est l'égalité, disait Yves Etroudi. Yves Etroudi, ministre des Droits des Femmes sous Mitterrand, est la première à avoir fait voter une loi sur l'égalité salariale en 1983. Celle qui a officialisé le 8 mars en France dresse le bilan des combats féministes. Voilà, et alors, il y a tout un article qu'il faudrait lire, bien sûr, mais étant donné le temps qui m'est imparti, comme dirait l'autre, voilà. Mouvement de grève symbolique des agents pénitentiaires. Une vingtaine de personnels de l'administration pénitentiaire ont initié un mouvement ce jeudi matin, c'était le 8 mars, à la maison d'arrêt d'Épinal. Qui s'en souvient? Bah, pas grand monde, bien sûr, mais voilà, ça veut dire que dans tous les milieux, tous les salariés ont l'impression d'être maltraités. Et pas que l'impression. Pas que l'impression. À Épinal, encore social, en grève de la faim pour retrouver son poste le vendredi 8 mars. Anoussia Abid s'est mise en grève de la faim ce jeudi matin car elle estime avoir été lésée par le non-renouvellement de son CDD au sein de la mairie d'Épinal. Voilà. Ben tiens. Hein? Le milliardaire russe soupçonné de blanchir l'argent de la mafia. Iskander Makhmudov, l'oligarque russe qui a versé 294 000 euros en juin 2018 à la société Mars de Vincent Crase pour un contrat de protection de ses biens immobiliers et de sa famille, est un proche de Vladimir Poutine. C'est aussi un proche de Alexandre Benalla, qui lui-même est un proche de Emmanuel Macron. Hein, vous voyez comment... Eh oui, imaginez que tout ce monde-là soit sur le Titanic. Le Titanic, un bateau insubmersible, mais qui peut rencontrer sur sa route un iceberg. Ah là là là, ah, quelquefois. L'affaire Benalla devient une affaire d'État. Les ramifications de l'affaire Benalla n'en finissent pas de se prolonger, touchant désormais l'ensemble des différentes strates du pouvoir. Elle dévoile surtout des relations entre les arcanes du pouvoir et des milieux d'affaires interlopes. Interlopes. Comme ça sonne bien, interlopes. Voilà, une affaire d'État donc. Une affaire d'État. À quoi va ressembler l'école de la confiance? Alors, être obligatoire, école obligatoire de 3 à 16 ans. Drapeau dans les classes, il y aura des drapeaux dans les classes. Oh, bon. Regroupement collège-école, nouvelles écoles internationales, surveillants en renfort des enseignants, refonte de la formation des profs, homoparentalité, etc., etc. Alors, voilà. Et puis, sur la même page, du 20 février 2019, eh oui, il y a des choses anciennes comme ça qui peuvent ressortir. Benalla a passé la nuit en prison. Et vous en souvenez du le passage en prison de Benalla? Eh ben non, et on avait oublié. Heureusement qu'il y a des journaux qui ne s'effacent pas comme les messages radio, par exemple, qui passent et puis qu'on oublie. Eh bien là, le journal, lui, il reste. Hein, et donc, on peut le lire et on peut le relire. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a été placé en détention provisoire mardi soir après la révocation de son contrôle judiciaire 7 mois après avoir quitté l'Élysée. Ah oui, le recrutement, c'est quelque chose... C'est pas facile hein, de recruter des gens. Eh oui, surtout quand c'est à un haut niveau comme ça... Ça peut, les conséquences peuvent être très très gênantes, et alors il faudrait faire attention avant, pendant et même après. Marée jaune, 5 personnes identifiées par la justice à Épinal. Les enquêteurs vont exploiter les vidéos prises par l'hélicoptère de la gendarmerie nationale afin d'identifier d'autres casseurs. Vous rendez compte un peu ce que ça peut coûter une manifestation? Ça coûte de l'argent aux manifestants parce que ils perdent leur journée de travail ou il y a des frais de transport, etc., etc. Mais ça coûte de l'argent aux contribuables parce que l'État met du fric pour surveiller, pour contrôler, pour gêner. pour gêner les manifestants. Un officier de police suspendu, sur la même page que ce que je viens de dire, le 26 février 2019. Un officier de police d'Épinal a été mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer, il conteste ces faits. Voilà. Ensuite, Bernard Tapie, combatif face au juge. Oui. L'ancien président de l'OM est jugé depuis hier pour escroquerie dans le cadre de l'affaire avec le Crédit Lyonnais où un arbitrage lui avait octroyé 404 millions d'euros en 2008. Les pesticides à l'origine de la maladie de Parkinson d'un employé en arboriculture. Voilà, alors à qui peut-on avoir confiance? Par exemple, on peut avoir confiance à François de Rugy. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Transition écologique. Pas ministre de l'écologie, non, de la transition écologique. Qu'est-ce que c'est que ça peut bien vouloir dire, la transition écologique? Alors, environnement, conseiller des ministres, énergie, le gouvernement va revoir sa copie. Pris en étau entre les enjeux climatiques et sociaux, l'exécutif s'est engagé hier à réécrire en partie la loi qui va fixer les ambitions françaises en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et il y en a un peu plus d'une demi-page. Pour ne pas dire grand-chose. Et oui, c'est comme ça qu'on nous occupe, qu'on nous amuse, qu'on nous distrait, dans le mauvais sens du terme, distrait, et voilà, et qu'on nous fait voter un peu n'importe comment, et puis après on regrette. Eh oui, mais trop tard, c'est fait. Et voilà.